Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 7 octobre ? Eh bien, 7 octobre 1944, en Allemagne, soulèvement armé de 700 prisonniers du camp de Birkenau à Auschwitz. Auschwitz II. 60 SS sont tués. Des centaines de prisonniers s'évadent. C'est un coup dur pour le moral des SS. Alors, moral et SS, ça ne va pas du tout ensemble. Hein. Mais bon, là, c'était pour la bonne cause. 1949, République démocratique allemande. Les soviétiques approuvent la création de la République démocratique allemande. 1959, Canada. À la suite d'un arrêt de travail des pompiers et des policiers de Montréal, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une loi d'urgence numéro 61, obligeant les grévistes à retourner à leur poste sous peine de graves sanctions. 1973, Grèce. Un gouvernement entièrement civil est mis en place sous la présidence de Syros Markezinis, leader d'un groupuscule d'extrême droite. 1981, Pologne, le Congrès de solidarité adopte un programme de transformation totale de la vie économique et politique. Lech Wałęsa est élu président du syndicat par 55% des voix. 1982, France, vote de la loi relative aux institutions représentatives du personnel. Section syndicale, délégué, comité d'entreprise, loi promulguée le 23-10. De cette même année 1982. Ça a passé des choses en 1981-82. 1982, encore France, les ouvriers de la cristallerie de Valéry-Stahl, en Moselle, décident de recréer une société de coopérative ouvrière. Dans cette usine datant de 1707, la lutte dure depuis 11 ans. Fusion avec la compagnie française du cristal en 1967. Menace de fermeture en 1971. Fermeture en 1977. Première société coopérative fondée dans des conditions extrêmement difficiles. Nouveau four détruit par la CFC. Dépôt de bilan de cette SCOP en 1981. Contre vents et marées, les ouvriers maintiennent le four allumé, symbole de leur lutte, jusqu'au démarrage de la deuxième SCOP, Société coopérative ouvrière de production, le 2 janvier 1984. 1982, Nicaragua. Le père Miguel Descote, ministre des Affaires étrangères, déclare qu'une invasion de son pays par les forces du Honduras avait déjà été décidée et que l'administration américaine a choisi le Nicaragua comme lieu idéal pour une guerre par pays interposé. Depuis 70 ans, les États-Unis n'arrêtent pas de provoquer des guerres un peu partout dans le monde. Ils ont sur la conscience à peu près autant de morts que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, de façon plus dispersée. Hein, voilà. 1982, USA. Le journal Le Monde signale qu'en septembre, le taux de chômage des États-Unis dépasse la barre des 10% de la population active. C'est le taux le plus élevé depuis 1940. Le 8 octobre, 8 octobre 1869, en France, les mineurs d'Aubin se rendent aux forges de Goix, appartenant à la même compagnie, afin d'étendre la grève aux ateliers. 180 soldats les attendent. Les mineurs leur demandent de retirer leurs baïonnettes. La troupe fait feu et tue 11 mineurs. Il y a quand même des saloperies sur Terre. 1903, France. Les 17 tissages armentières suivent le mouvement de grève commencé le 30 septembre. Ils réclament un tarif uniforme augmenté de 16%. 1910, France. La première grève générale des cheminots éclate dans le réseau Nord et se propage à travers le pays. Aristide Briand fera arrêter le comité de grève. Il inventera un complot de sabotage monté de toutes pièces et procédera à des milliers de réquisitions et de révocations, voire plus haut, les saloperies. Il y en avait à l'époque, et puis il y en a encore. 1912, Grande-Bretagne, parution numéro 1 du Daily Citizen, quotidien officiel du mouvement ouvrier. 1936, Espagne, constitution d'un gouvernement de la Légion Basque devenu autonome de la Région Basque, pas de la Légion, de la Région Basque. 1945, Allemagne, les alliés autorisent la création de syndicats à condition qu'ils ne s'opposent pas à leur politique économique. 1967, Bolivie, lors d'une bataille entre guerrilleros et l'armée, Che Guevara est capturé à la Higuera. Che Guevara, quelqu'un ça? Ah oui, c'était un qui avait du sang sous les ongles, qui avait des idées, ah oui, qui avait un cerveau qui s'en servait. 1976, Zimbabwe, à Maputo, constitution du Front patriotique regroupant plusieurs mouvements de libération. 1980, Corée du Sud. Des tracts concernant les morts de Kwangju sont distribués lors d'un office religieux. Suite à cet événement, le gouvernement décide la fermeture de l'université de théologie de Hankook. 1982, France. Grève décidée par la CGT et largement suivie par les mineurs de Lorraine, où les 16 puits encore existants sont au bord de l'asphyxie. 1982, Pologne. La Diète vote une loi sur les syndicats visant à interdire définitivement Solidarité. 9 abstentions et 10 voix contre. Les pays ont des lois, mais il n'y a pas de loi qui assure l'application des lois. Guangzhou, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, en Chine. Le 9 octobre 1716, en France, Saint-Étienne Antoine, garçon bohémien natif de Perclade dans le Languedoc, âgé de 15 ans, est condamné comme bohémien aux galères à vie. Il sera cependant libéré à Toulon par ordre du roi le 10 mai 1754. 1870, Espagne. Entre le 15 septembre et le 15 octobre, la Correspondencia de España relève plus de 60 cas de paysans revendiquant la terre appelés bandits et tués par la garde civile alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Eh oui. Des salopards, il y en a toujours eu dans tous les pays et à toutes les époques. Eh oui. 1947, Sénégal. La grève des cheminots de Dakar-Niger s'annonce. Elle se poursuivra pendant 6 mois et sera marquée par une marche des femmes, des manifestations nombreuses, la répression et l'emprisonnement de grévistes. Le discours d'un syndicaliste donne le ton. Deux points, ouvrons le guillemets avec lui. C'est nous qui faisons le boulot. C'est le même que celui des Blancs. Alors, pourquoi ont-ils le droit de gagner plus? Parce qu'ils sont des Blancs? Quand ils sont malades, pourquoi sont-ils soignés? Et pourquoi avons-nous le droit de crever parce que nous sommes noirs, point d'interrogation, fermons les guillemets. 1962, Ouganda, l'ancien protectorat britannique, accède à l'indépendance. 1967, Bolivie, Che Guevara est exécuté dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement établies. Le guevarisme prend naissance dans la salle d'école du petit village où le blessé de la veille a été abattu. Les traîtres, les lâches. Ben oui, des traîtres, des lâches, il y en a toujours eu, et puis il n'y en aura encore pas dans certains temps. Actuellement, il y en a beaucoup. 1972, Philippines. Le président Marcos, qui a proclamé l'état de siège, fait la déclaration suivante. Nous sommes intéressés par toute forme de capital. Nous offrirons tout l'appui nécessaire et protégerons le capital étranger. L'amortissement, la sortie du capital et le transfert des bénéfices seront garantis. Tiens, ça ressemble à un personnage qu'on a l'occasion de fréquenter en ce moment. 1973, France, rupture des négociations chez Lippe. Monsieur Giraud, négociateur du gouvernement, fait savoir que sa mission est terminée. Aucun accord n'est signé. Maintenant, je vous propose toute une série d'enregistrements, d'habitude, le lundi et le vendredi. Il y a 10 jours, le président de la République invitait 6 millions de chômeurs à traverser la rue pour trouver un emploi. Vous-même avez abondé en ce sens en déclarant « Il n'y a pas un secteur de l'activité économique où on ne dit pas « on veut recruter, mais on n'y arrive pas ». À vous entendre, on comprend que les chômeurs seraient les premiers responsables de leur chômage. C'est peut-être habile pour vous exonérer de vos responsabilités, mais c'est absolument faux et vous le savez. Pour 2017, seuls 7,5% des établissements qui ont essayé de recruter n'y sont pas parvenus. On peut estimer à 300 000 le nombre d'offres d'emploi non pourvues et il en faut souvent plusieurs à un seul chômeur pour pouvoir travailler toute l'année. Cela fait un emploi pour 20 demandeurs, un pour 40 en équivalent temps plein. Cette réalité, la formation n'y peut rien. Le chômage n'est donc pas un problème de volonté individuelle, mais bien un problème de déficit d'emploi au niveau national. Avec toujours moins de moyens humains, Pôle emploi est aujourd'hui davantage le lieu où l'on vérifie que la recherche est hyperactive plutôt que celui où on vous propose un emploi. Or, vous vous obstinez à croire qu'il suffirait de lever quelques règles et blocages sur le dos des salariés et de faire des cadeaux aux entreprises pour que la machine reparte. Mais il ne s'est jamais vérifié qu'une telle politique remplisse les carnets de commandes. Ils sont pour nous la solution de l'équation. La planification écologique permettrait de les remplir, mais vous lui préférez la compétition généralisée. La diminution du temps de travail est une solution efficace, mais vous lui préférez la double ration de CICE. Les plus grands réfractaires, finalement, au changement sont au gouvernement. Alors, monsieur le Premier ministre, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous avertir le jour où vous aurez compris qu'il faut s'attaquer au chômage et non pas aux chômeurs ? Nicolas Aliagas. Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, et votre invité Audrey Crespo-Marin. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Hier, depuis le Royaume-Uni, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Emmanuel Macron et à son arrogance. Je le cite, « Aucun président, ni même un roi, n'avait parlé aux Français comme ça. C'est un homme de droite et son élection est un hold-up. » C'est plus facile de dire ça depuis l'Angleterre que face à Emmanuel Macron à une terrasse du Vieux-Port ? Non, mais attendez, quand on se retrouve face au président de la République à minuit et demi sur une terrasse du Vieux-Port, on commence pas à se bagarrer avec. Il faisait moins le malin face à lui, c'est que la mode est au clash d'aéroport, mais en l'occurrence, c'était pas l'idée. Non, par contre, ce qu'il dit est juste, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron lui-même se présente comme le fruit d'une effraction. Et les Français voient bien, depuis maintenant un an et demi, qu'il est dans la continuité de ce que faisaient ses prédécesseurs et que donc cette politique ne fonctionne pas. Voilà ce qui est en cause. Mais en voyant cette scène du Vieux-Port l'autre jour, de nombreux Français ont trouvé que Jean-Luc Mélenchon faisait moins le malin, qu'il n'était peut-être pas si insoumis que ça. Bah, il y a d'autres nombreux Français qui, moi, m'ont dit au contraire que ça donnait à voir quelque chose de tout à fait républicain et apaisé qui leur convenait parfaitement. Donc, vous voyez, de toute façon, quoi que fasse Jean-Luc Mélenchon, s'il est trop calme, il se dégonfle. S'il est trop énervé, c'est un affreux populiste. Va falloir que vous puissiez à un moment donné trouver le point d'équilibre entre tout ça, j'ai envie de dire. C'est peut-être lui qui doit le trouver. Adrien Quatennens, la loi Pacte de Bruno Le Maire est en débat à l'Assemblée nationale où vous siégez. Cette loi, vous la connaissez bien. Vous avez siégé dans sa commission spéciale au début du mois. Quand Bruno Le Maire dit devant l'Assemblée que les entreprises doivent faire du profit, mais qu'elles ne peuvent pas faire que du profit, vous avez envie de l'applaudir ? Dans les mots, oui, comme d'ailleurs quand il s'offusque des écarts de salaire considérables dans les entreprises, mais le problème c'est que, en l'occurrence, sur tout ce qui mériterait d'être conséquent, Bruno Le Maire ne l'est pas. Cette loi Pacte aurait pu, puisqu'elle envisage de mettre l'entreprise dans les enjeux du 21e siècle, aurait pu par exemple répondre au grand défi climatique, qui est un défi aussi enthousiasmant en matière d'activité alors, que tragique, mais là ce n'est pas le cas. Il dit justement que les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux, donc ça devrait vous plaire. Oui, mais... sur toutes ces questions-là, il propose aux entreprises d'être à la hauteur, mais il ne contraint absolument pas. Par contre, sur tout le reste, en termes de recul de droits des salariés, c'est par exemple le cas des seuils sociaux, on continue. Pour résumer d'un mot, la politique du gouvernement en matière économique, c'est quoi ? C'est de baisser les règles, qui seraient prétendument le seul verrou au fonctionnement de l'activité, et de diminuer les charges, en réalité, qui sont des cotisations, pas des charges. Ça ne peut pas fonctionner. On n'a jamais vu que cette politique remplisse les carnets de commandes. Nous sommes pour la relance de l'activité, pas n'importe quelle activité. Une activité socialement utile, écologiquement soutenable, pas simplement pour la loi de la jungle que ce pacte finalement poursuit. Et le fait que les salariés, au sujet de l'intéressement, de la participation, quand une entreprise réussit, dit Bruno Le Maire, elle le doit d'abord à ses salariés. Elle n'est que justice que ce soit les salariés qui bénéficient les premiers du succès de leur entreprise. Ça vous va pas non plus ? Mais ce sont de bons mots et des vœux pieux dans lesquels je peux m'inscrire. Mais moi, je constate par la loi Pacte que le change n'y est pas en matière d'actes concrets. Sur l'exemple de l'écart des salaires, Bruno Le Maire s'offusque, mais il ne fait rien pour limiter ces écarts. Peut-on croire que c'est la transparence qui va faire qu'on arrête ces mauvaises pratiques ? Non, il faut limiter l'écart des salaires. Par exemple, nous on propose de le faire de 1 à 20. Ce n'est pas confiscatoire. C'est simplement, en matière d'écart, on ne peut pas continuer avec des écarts de 1 à 300 parfois. Adrien Quatennens, à New York aujourd'hui, Emmanuel Macron se verra remettre par l'ONU le titre de champion du climat pour son engagement contre le réchauffement. Un an après son fameux « Make a planet great again », vous êtes satisfait qu'Emmanuel Macron tienne tête à Donald Trump ou là encore, vous allez trouver le moyen de le critiquer ? Emmanuel Macron, champion du climat, mais c'est Nicolas Hulot qui va lui remettre la médaille alors ? Bah, il aurait dû rester alors. Non mais parce que Nicolas Hulot a validé un diagnostic que nous posons depuis longtemps et je veux qu'on m'entende à ce micro. C'est que tant que la toile de fond restera le libéralisme économique et la compétition généralisée, on ne sera pas à la hauteur en matière climatique. Il faut le dire, on ne peut pas être dans le fait de verdir un programme. Là en l'occurrence, le One Planet Summit, ça s'appelle un sommet, pour moi c'est l'abîme en l'occurrence, c'est dire on va mobiliser la finance verte. Mais la finance ne peut pas être verte par définition puisque le taux de rendement qu'elle demande à l'activité est contradictoire avec la bifurcation écologique qu'il faudrait faire. Vous savez, nous on dit dans capitalisme vert, le problème ce n'est pas la couleur. Il s'agirait en l'occurrence d'assumer une grande bifurcation de notre modèle économique. Solder la dette écologique, c'est un défi aussi enthousiasmant que tragique. Il faut faire appel à toutes les compétences techniques de notre pays pour faire cette bifurcation. Si on ne fait pas ça, si on ne change pas en profondeur de paradigme, nous n'y arriverons pas. On parlait du vieux port. Jean-Luc Mélenchon essaie de redevenir plus mordant avec Emmanuel Macron en s'exprimant notamment sur l'Aquarius qui a finalement accosté à Malte. La France accueillera 18 des 58 migrants. Une solution européenne a donc bien été trouvée. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce mérite à Emmanuel Macron ? Non, on voit bien, y compris dans le temps que ça a pris, que ici l'Europe qui protège, c'est l'Europe qui se défausse. Moi je vois mal comment l'Union Européenne, qui est capable d'imposer à 27 États membres la politique libérale, ne pourrait pas se coordonner véritablement sur l'accueil. Mais la France a pris sa part là, en prenant un tiers des migrants. Mais attendez, elle prend sa part après combien d'heures de tergiversation, y compris quand il s'agit d'accueillir ce bateau. Enfin, il faut le rappeler à votre micro, hein, l'Aquarius, ça n'est pas un bateau de croisière, d'accord ? Et quand il y a 58 personnes à son bord qui sont des naufragés, c'est-à-dire des gens qui ont risqué de se noyer, la Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Depuis le début de l'année, c'est 1600 personnes qui y sont mortes. Et depuis 2014, 17 000. Donc nous, ce que nous disons est clair. Quand des gens traversent la mer Méditerranée au péril de leur vie, on ne se pose pas la question de savoir si on les accueille ou pas. On le fait. Et la France se serait honorée de le faire. Bien évidemment, la France aurait dû accueillir tous les migrants. Mais oui, non, attendez. D'emblée. La France doit organiser les conditions de l'accueil de celles et ceux qui se présentent à ses portes, en l'occurrence, dans des situations dramatiques. Pour autant, une fois que je vous ai dit ça, Audrey Caspomara, moi je fais pas d'angélisme en la matière. Nous avons nos pays ont des responsabilités dans les causes profondes qui font que les pays d'origine, les régions d'origine sont invivables. Les guerres, le changement climatique, les accords commerciaux inégaux. Il va donc bien falloir se poser la question de savoir comment on endigue ces causes. Parce que d'ici à 2050, si par exemple on n'endigue pas le changement climatique, ce ne sont pas 58 personnes qui vont arriver sur l'Aquarius, puisque 250 millions de personnes vont non pas choisir de quitter leur pays, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Quand est-ce qu'on parle à la fois de l'organisation de l'accueil, mais aussi du traitement des causes qui font que les choses s'aggravent? Adrien Quatennens, vous siégez avec lui à l'Assemblée nationale. Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, lâche son siège de député. Vous lui souhaitez bonne chance ou vous y voyez comme ses électeurs une trahison? Non, moi je lui souhaite absolument rien, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Je lui dis adios senior, mais en l'occurrence je ne siège pas avec lui pour la raison que son siège en l'occurrence prend la poussière depuis des mois à l'Assemblée nationale. C'est bien tout le problème. C'est-à-dire que Manuel Valls, qui a été celui qui a mis à mal, je le pense, la démocratie de notre pays, par exemple en abusant du 49-3 sous le quinquennat Hollande, dans une loi qui était largement contestée dans le pays, ou en proposant la déchéance de nationalité, bon bah là en l'occurrence il se l'applique à la politique. Bon vent, j'ai envie de dire. Là où je vais saluer sa décision, c'est qu'il a annoncé par ailleurs qu'il démissionnerait de tous ses mandats en France, ce qui veut dire qu'il y aura une élection législative partielle. Nous aurons notre candidate Farida Amrani, et puis peut-être que là en l'occurrence il y aura une 18e députée insoumise à l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens, entre nous, vous êtes l'un des rares à passer quelques jours de vacances avec Jean-Luc Mélenchon. Vous faites quoi tous les deux en vacances? Vous bronzez ensemble à la plage? Vous jouez aux cartes? Ou bien vous refaites le monde en buvant des Cuba Libre? Non, moi je bronze pas, pour la raison que si je m'expose trop longtemps au soleil, je suis rouge écarlate. Mais effectivement, il m'arrive de passer un peu de temps parfois dans une ambiance plus détendue que celle de l'Assemblée nationale avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais en effet, vous avez de bonnes informations. Merci, Adrien. Merci à vous. Gracias, compañeros. Audrey Crespo Mara pour l'interview politique de la matinale. On la fait en espagnol demain. Voilà, Adrien Quatennens. Madame Caroline Fiat. Monsieur le Premier ministre, depuis bientôt un an, j'alerte Madame la ministre de la Santé. Je me déplace sur différents établissements et à chaque fois la même colère, les mêmes demandes. Nous, les soignants, nous n'en pouvons plus. Pas un jour sans recevoir un appel, un message, un mail, un courrier pour m'annoncer l'inimaginable. Notre collègue a fait une tentative de suicide ou a mis fin à ses jours. On place des enfants en service psychiatrique adulte par manque de place. Ma maman est décédée seule dans sa chambre en EHPAD derrière son plateau repas. Mon papa est décédé sur un brancard aux urgences et j'en passe. Monsieur le Premier ministre, les soignants ne réclament pas une augmentation de salaire, de congés supplémentaires ou je ne sais quoi d'autre. Ils réclament des moyens pour traiter dignement leurs patients. La semaine dernière, j'ai interpellé Madame Buzyn par une lettre ouverte dans laquelle je lui demandais, je cite, « Êtes-vous prête à assumer vos responsabilités pour tous ces actes de maltraitance et s'il devait arriver un malheur à l'un des grévistes de la faim de Rouvray ?» Ma question est restée sans réponse malgré l'hospitalisation en urgence de 4 des 7 grévistes de la faim. Maintenir une grève de la faim depuis 2 semaines présente des risques de séquelles irréversibles. En 2018, en France, des soignants mettent en danger leur vie pour avoir les moyens de s'occuper dignement de leurs patients. Cette situation n'a que trop duré. Tous les établissements de santé sont concernés. Une réunion entre Bercy et la santé s'impose. Les moyens doivent être débloqués de suite. Quand il a fallu prendre 5 euros d'APL aux plus démunis, vous avez été très réactifs. Serez-vous tout aussi réactifs pour aller chercher l'argent là où il y en a? Bénéfices CAC 40, ISF, exil tax, évasion fiscale. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous vous engager à organiser cette réunion interministérielle rapidement? Si oui, où et quand? Merci, Madame la députée. De quoi la patrie a-t-elle besoin? De quoi l'humanité a-t-elle besoin? Voilà la question de départ. Et on va le produire. Et on va le faire. Vous devez changer tous les process de production. Il n'est plus possible de continuer à produire de cette façon-là en faisant une pareille prédation sur la nature parce que ce système n'est pas vivable. Je le dis avec force, parce que je sais que la plupart d'entre vous le ressentent comme moi. Enfin, il n'y a pas ici des gens qui s'en fichent de voir disparaître tout l'environnement naturel et d'autres qui s'en soucieraient. Je crois que tout le monde y pense, mais vous faites des petites cases. Alors là, il y a la case nature, là, il y a la case production. Quel rapport entre les deux? Il n'y en a pas. Mais si, il y en a un. Si on continue à se dire qu'il faut produire toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, avec comme seul critère le plus bas prix possible, alors le plus bas prix possible, c'est de la gratuité qui aura été prélevée sur l'homme et sur la nature. C'est-à-dire toujours plus de travail pour les uns, des statuts sociaux de plus en plus déréglés pour que par la peur les gens soient tenus au travail. Et d'un autre côté, le saccage de la nature payé par personne. Parce que c'est ça aussi le capitalisme, se payer sur la bête et se payer sur la nature. Si vous changez le paradigme, alors vous devez dire que c'est l'intérêt général. Le mouvement des carnets de commandes. Et c'est du point de vue des carnets de commandes qu'il faut prendre les décisions politiques. Oui, oui. Pas créer les conditions qui permettent au carnet de commandes blablabli, blablabla, le jour où le libre-marché aura fait. Non, le carnet de commandes que la société remplit, c'est-à-dire une politique qui n'est pas la politique de l'offre, qui est la politique de la demande. De quoi la patrie a-t-elle besoin? De quoi l'humanité a-t-elle besoin? C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la voix vengeresse de la société qui va s'exprimer par l'organe ô combien merveilleux. Oh, bravo! Du procureur général de la République des proches françaises. Et je dois l'applaudir. Bravo. On peut applaudir sur le bureau. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Toulousinoisiens, Toulousinoisiennes. C'est pas Toulouse, c'est Toulouse. C'est Toulouse. Public chéri. Ainsi, nous vous tenons, Charles Aznavour, et vous allez payer. C'est déjà fait. C'est pas fini. Ah bon? Voyez cet homme, mesdames et messieurs les jurés, voyez comme il a peur actuellement. Peur de la robe austère de la justice sous laquelle, mesdames et messieurs les jurés... Vous vous rendez compte, monsieur le président, si on faisait le bilan de tout ce qui se cache sous la robe austère de la justice depuis qu'on fait l'émission, il y aurait de quoi ouvrir un grand magasin d'instruments aratoires. Ah, certes, ce n'est pas un imbécile. Il a la tête sur les épaules. Disons qu'il a encore la tête sur les épaules. Merci. La Cour, dans son immense mansuétude, car vous êtes bon, monsieur le président, mon petit Claude, vous êtes bon. Permettez que je vous appelle mon président, mon petit Claude. La Cour, dis-je, dans son infinie mansuétude, m'autorise-t-elle à illustrer d'une amusante anecdote personnelle ce rude réquisitoire contre Charles Aznavour? Réfléchissez avant de répondre, monsieur le président. Vous pouvez répondre oui, non, ne sais pas, ou qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es pas de la police. Vas-y, ne nous ennuie pas trop longtemps. Vas-y. Bien. C'était samedi dernier, aux alentours de minuit, je venais de passer la soirée chez une amie qui fait très bien les pipérades. C'était un peu... J'avais la gorge un peu sèche. Ah oui, c'est le problème avec les pipérades, ça. Ça donne soif, après. Tiens, me dis-je soudain, pourquoi n'irais-je point boire un coup chez Régine, moi qui suis snob et con? Mais non, vous n'êtes pas snob. Merci. Régine, je le précise à l'intention de nos amis toulousoiniens qui n'ont pas la chance. Silence ! Qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur et d'habiter Paris. D'ailleurs, généralement, c'est les mêmes, ceux qui n'ont pas Paris, qui n'ont pas la couleur. Régine, c'est le nom du dancing boom boom parisien, tenu par la chanteuse du même nom. Alors, on y côtoie plus souvent le gratin que les marchands de pommes de terre, si vous voyez ce que je veux dire. Il existe à Paris d'ailleurs une bonne dizaine de tripots pompeux de ce genre. On a intérêt à y montrer patte blanche, si possible manucurée d'ailleurs. En échange de quoi, vous pouvez y retrouver votre bouteille personnelle avec votre nom sur l'étiquette. Alors quand le larbin copain, parce qu'on est toujours copain avec le larbin, il dit « Ah Coco, ça va, merde quoi Coco hein ?» On est tous une grande famille. Quand le larbin copain vous voit arriver, il gueule « La bouteille à Monsieur Chazot, la bouteille à Mme Sagan, la bouteille à Sœur Teresa, etc. etc. » Et c'est une grande joie pour tous ces gens du tout Paris, surtout quand ils arrivent à cet âge incertain où l'on hésite encore entre le cancer et l'infarctus. C'est une grande joie simple d'avoir sa bouteille avec son nom sur l'étiquette. C'est un vrai plaisir de riche, surtout si l'on songe que les pauvres, eux, pour avoir leur bouteille avec leur nom sur l'étiquette, ils sont obligés d'en passer par l'analyse d'urine. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Il arrive. On y arrive. Laissez le ministère public s'exprimer. Et l'analyse d'urine, monsieur Aznavour? Même si l'on tient compte du fait qu'elle est gratuite dans la plupart des établissements de l'assistance publique, même si on tient compte du fait qu'on a envie quelquefois de faire pipi, l'analyse d'urine constitue-t-elle vraiment un plaisir? Même si l'infirmière est jolie. Monsieur Aznavour, pissez là-dedans. Bien. Mais je m'égare de Lyon, de Toulouse et de Charles Aznavour. Donc je vais chez Régine, et en arrivant chez Régine, je tombe nez à nez avec son époux, qui avait l'air soucieux. Qu'as-tu, Venceslas, mon kérige? Je suis pas sûr que c'est Venceslas. Ça n'a pas l'air d'aller. Bof, c'est ma femme, me dit-il. Tu l'as vue? Ben oui, je vois, Régine. Qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Ben, elle est pas terrible, tu trouves pas? Et moi, voulant être aimable, pour réconforter cet homme malheureux, je dis, bien sûr, elle est pas belle, mais il y en a beaucoup. C'est là que je voulais en venir, mesdames et messieurs les jurés. Charles Aznavour, contrairement à Régine, il est pas beau, mais en plus, il y en a pas beaucoup. C'est pas fini. Or, mesdames et messieurs les jurés, notre devoir est de demander à la cour de raccourcir Charles Aznavour. Mais je vous demande, est-ce bien raisonnable de raccourcir un homme déjà si petit qui peut même pas jouer au football sans rigoler tant le gazon le chatouille sous les bras? C'est pas d'erreur. Quand on vous regarde, Charles Aznavour, on ne peut s'empêcher de se demander comment autant de génie peut tenir en si peu de place, coincé entre une touffe d'implants et une paire de talonnettes. De quoi teste-t-on qu'on pourrait-il vous accuser pour parler comme le débris, comme ce débris du barreau rabougri qui va vous défendre dans une seconde? Ta gueule, toi! D'abord, Charles Aznavour, vous avez vos papiers d'Arménie? Même pas. Il a osé! Oui, je signale au... Il a osé. Je signale à la cour que l'accusé est d'origine arménienne et que son nom complet est Aznavourian. J'ai déjà dit. C'est comme... Je n'avais rien caché. Oui, mais il dormait quand vous parliez. Moi, j'ai raccourci mon nom, mais je vous interdis de me raccourcir, moi. Non, non. Mais enfin, c'est un nom qui n'est pas complet. C'est comme le Boris V. Son vrai nom, c'est Boris Vian. Ou comme la province, le Morbe, Ian. C'est comme perfide, Ian. À part ça, j'ai presque fini, parce que l'avocat s'inquiète. Vous êtes né le 24 mai 1924. 22 mai 1924, excusez-moi. 4 ans plus tard, en 1928, la récolte de Bordeaux était exceptionnelle. Donc, Charles Aznavour, vous êtes né en 1924. 5 ans plus tard, en 1929, on n'entend toujours pas parler de vous. Alors que le maréchal Pétain, lui, il n'est pas encore maréchal, mais il entre déjà à l'Académie française, où la patrie l'acclame en héros, pour le remercier une fois de plus d'avoir dirigé la plus importante boucherie en gros du département de la Meuse, en 1916, à Verdun. J'en ai terminé. Pour Charles Aznavour, je demande qu'on lui coupe une mèche, ça suffira. Pour Pétain, j'exige le retour de ses cendres à Douaumont. Oh, maréchal, nous voilà. Vous avez eu raison, Madame la Présidente, de dire que la première raison de s'intéresser à cet accord, c'est d'abord qu'il attire de nouveau notre regard vers l'Amérique latine, direction du monde dans laquelle, trop souvent, les élites françaises, fascinées par le monde anglo-saxon ou germanique, oublient de regarder. Pourtant, les 500 millions d'hispanophones partagent avec nous une culture profonde qui est liée à celle de notre histoire de la Grande Révolution de 1789. Et s'il y a eu des conquistadors, pour l'honneur de l'Amérique latine, tous les libertadors, tous, sans exception, étaient rattachés à la philosophie des droits de l'homme, aux Lumières, et pour beaucoup d'entre eux, à la loge maçonnique Lautaro, qui était d'abord située à Londres, puis ensuite à Marseille, pour l'honneur de ma bonne ville. Mais s'agissant de... Moi non plus, mon cher rapporteur, je n'avais pas la photo du Che dans ma chambre, c'était celle de Salvador Allende. Et Salvador Allende... assassiné, comme vous le savez, et ensuite je ne peux pas oublier de quel secours fut Cuba à tous ceux de mes amis et camarades torturés, maltraités de toutes les manières possibles, qui s'enfuyaient et que Cuba accueillait, réparait, soignait, remettait sur le chemin de l'existence. Bon, ça me fait une dette personnelle, comme à beaucoup d'hommes de ma génération et de ma filiation politique d'hommes et de femmes, bien sûr, pour qui Cuba aura représenté ce point d'appui. Qu'il est pour beaucoup de peuples de l'Amérique latine, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, il est extrêmement rare que l'un s'abaisse à céder aux gringos en refusant l'accès d'une conférence internationale à Cuba. Cuba est un point d'appui nationaliste. Le nationalisme en Amérique latine est progressiste et est un point d'appui pour tout le vieux, pour tout ce continent, et par conséquent, c'est un interlocuteur naturel, incontournable de toute diplomatie qui part des réalités et se préoccupe moins des fumées de l'Union européenne qui se sent obligée chaque fois qu'elle ouvre la bouche sur Cuba d'y ajouter toutes sortes de couplets sur la liberté, sujet dont elle se soucie beaucoup moins quand il s'agit de la peine de mort, chez Madame la Ministre, en Arabie Saoudite, car à cette heure, il y a eu 0 personnes condamnées à mort à Cuba, tandis qu'il y en a 48 d'exécutés en Arabie Saoudite, à qui on continue à vendre des armes pour assassiner les Yéménites. Et à cette heure-ci, M. Badawi a déjà reçu 50 coups de fouet, et il lui en reste 950 à recevoir au cours des années qui viennent. Et je ne me souviens pas qu'on ait entendu beaucoup de protestations, mais je laisse ça de côté, c'est pourquoi je me suis permis tout à l'heure de vous interrompre, parce que je fais partie de ces gens qui supportent mal les leçons qui sont données à Cuba, quand le reste du temps on est si économe d'indignation pour d'autres directions du monde. Et vous avez bien voulu, monsieur le rapporteur, rappeler que nous avions une petite dette que je vous avais signalée. Alors je voudrais préciser, les marins français et les Français qui se trouvaient sur le quai du port de la Havane ne sont pas morts parce qu'il y avait un naufrage, mais parce que les États-Unis d'Amérique avaient piégé un bateau qui transportait des munitions, tout à fait légalement, que nous étions en train de livrer à Cuba. Et le bateau a explosé dans le port. Comme le ministère dans lequel siégeait le Che était à côté, le Che étant toubib, est descendu sur le quai pour aider et assister les gens. Et la photo que vous connaissez tous, celle qui a sur tous les t-shirts, c'est le Che à la fin de la journée, absolument épuisé à avoir passé sa journée à soigner des gens, qui regardent dans le vide et non pas l'horizon fantastique du socialisme, mais celui de son épuisement. Et il a été capté à ce moment, et cette photo est restée pour l'histoire, la photo d'un moment où le Che venait de s'occuper aussi de Français. Je le signale pour la petite histoire, c'est la Coubre, et notre ambassadeur, au moins l'avant-dernier, je crois, faisait à intervalles réguliers, tous les ans, avec ses petites fleurs, à l'endroit où les Français viennent rendre hommage, et nous sommes les seuls, à ce moment de notre histoire. Souvent, Cuba est injustement comparé à toutes sortes d'autres pays, mais ça n'a pas de sens. Cuba est d'abord une île des Caraïbes. C'est donc au niveau moyen des Caraïbes qu'il faut comparer Cuba pour comprendre quel espoir elle représente pour des populations. Et tout le monde sait très bien qu'il vaut mieux 1000 fois être cubain qu'être haïtien, parce que à Cuba, personne et aucun enfant ne mange de la terre, comme en Haïti. Parce que à Cuba, nous avons des records d'encadrement. Personne ne meurt de faim, tout le monde va à l'école. Tout le monde bénéficie de toutes sortes de services, certes des fois élémentaires, comparés à ceux de la Suisse ou de la France, mais tout à fait exceptionnels par rapport à la situation moyenne des Caraïbes. Mais si on doit faire des comparaisons, il faut aussi accepter d'en faire avec nous-mêmes, et elles ne sont pas toujours à notre avantage, nous Français. En effet, le taux d'alphabétisation des populations cubaines est supérieur à celui de la France, il vous reste à le savoir, beaucoup d'entre vous le savent. Le taux d'encadrement médical est supérieur à Cuba qu'il l'est en France. Le taux de guérison des maladies ordinaires est supérieur à Cuba. De la même manière, Cuba a engagé une transition écologique dans son agriculture que notre pays n'a pas commencé, tant et si bien que, j'en conviens un peu sous la contrainte, Cuba est parvenu à se passer de pesticides, et si donc vous cherchez des alternatives au glyphosate, vous pouvez aller les chercher à Cuba, elles existent, de la même manière que si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe. Les Cubains sont d'ailleurs prêts à commercer avec nous, mais ils ne veulent pas vendre leur procédé à Sanofi, ce qui se comprend. Ils préféreraient le faire dans une relation de coopération sincère où l'on chercherait d'abord à guérir des gens ou à prévenir la maladie avant que de réaliser des profits. L'espérance de vie des Cubains, il faut le rappeler, dans l'environnement des Caraïbes, c'est 79 ans pour les hommes, sachant que nous, c'est 82 ans. Donc ça va, c'est pas trop mal. Hein. La réussite est là. Oh, on ne dira pas, bien sûr, que tout est parfait. Qui oserait dire ça? De quel pays peut-on le dire? On ne dira pas non plus qu'on voudrait importer un régime politique comparable à celui de Cuba. En tout cas, moi, je ne le propose pas. Peut-être que d'autres le proposent, mais pas moi, ni aucun de mes amis. Mais par contre, oui, il y a des choses qui nous inspirent. Alors, certainement pas le parti unique. Non, ce n'est pas l'idée à laquelle nous attachons. Mais oui, nous sommes intéressés et nous trouvons une idée quand nous les voyons faire une transition comme celle qu'ils sont en train de faire en organisant une constituante avec des débats qui ont lieu dans tout le pays. Vous avez des gens qui vous disent « Ah ben moi, je m'en fiche, j'irai pas » ou bien qui disent « Moi, de toute façon, je suis pas d'accord » et qui vont le dire dans des réunions. Cuba ne fonctionne pas comme beaucoup de caricatures croient qu'elle fonctionne. D'ailleurs, ne croyez pas une seule fois qu'on maintienne un pays derrière un régime pendant autant d'années simplement avec une police politique. Il lui faut une certaine dose de consentement. Et ce consentement s'appuie sur des faits qui, dans la vie, méritent de retenir notre attention au moins autant que les critiques que nous avons à faire. Parce que franchement, pour ce qui est de la liberté de la presse, évidemment, le régime de la propriété absolue par l'État de toute la presse est détestable. Mais le régime de la propriété absolue de toute la presse par 9 capitalistes est également détestable. Et ainsi de suite. Donc quand on donne des leçons, il faut toujours quand même un peu mettre les choses à distance et balayer un peu devant sa porte. C'est pourquoi je ne finirai que sur un point. Après tout, qu'on ait une discussion sur Cuba, pourquoi pas, vous seriez bien surpris de voir que les lignes de partage ne sont pas celles qu'on croit. Car souvent, il s'est trouvé sur les bancs de la droite des gens qui avaient une passion indépendantiste assez forte pour trouver sympathique ce qui se passait à Cuba, mieux que certains socialistes qui le trouvaient détestable compte tenu de leur lien avec la FLCIO. Bon, j'ai bien dit CIO. Laissons tout ça. À cet instant, une chose doit retenir notre attention. Et ça, je crois qu'on peut s'accorder là-dessus. Nous autres Français, nous sommes pour un monde ordonné, non pas multilatéral, comme l'a dit imprudemment le président de la République. Le multilatéralisme, ça finit toujours dans la guerre. Nous avons besoin d'un monde ordonné, avec une société des nations. Donc pour nous, la vertu supérieure, c'est celle de l'ONU. L'ONU a condamné 17 fois l'embargo que les États-Unis d'Amérique font peser sur Cuba. On ne peut rien dire de Cuba tant qu'on n'a pas commencé par condamner l'embargo. Si Cuba pouvait respirer, si Cuba n'avait pas perdu 125 milliards de dollars du fait de l'embargo au cours des années qui ont suivi l'embargo, Cuba vivrait différemment, Cuba vivrait autrement. Eh bien, nous sommes prêts à toutes les discussions sur le régime politique de Cuba, ça va de soi, hein. S'il faut le préciser, je le redis. Mais on commence la discussion quand s'arrêtera l'embargo. L'embargo est un acte de guerre contre Cuba, qui bloque son développement. Et on pensait qu'on en avait fini, après, non pas la visite de François Hollande, qui fut très folklorique et intéressante, mais après la visite du pape, après la visite de M. Obama, on pensait que tout le monde s'était mis en gros d'accord pour dire maintenant, il faut que ça cesse, il faut que les relations soient normales. M. Trump a décidé de durcir le rapport à Cuba, d'une manière qu'il croit intelligente électorale, mais qui ne sert strictement à rien. Parce que la jeunesse immigrée à Miami, aujourd'hui, n'est pas aussi fasciste qu'il peut le croire. Elle est plutôt préoccupée d'échanges, de pouvoir aller et venir entre l'île et le continent, et c'est ça qui les intéresse. Mais M. Trump a décidé de durcir sa position. Et de nouveau, alors que les États-Unis s'étaient abstenus au dernier vote sous M. Obama sur la question de l'embargo, la demande de lever a été faite, M. Trump et l'État d'Israël, seulement eux, et eux deux, les deux, pas l'État, le gouvernement d'Israël, ont voté pour le maintien de l'embargo contre Cuba. Donc, il soit dit depuis cette tribune une protestation solennelle contre l'embargo, contre l'acte de guerre et le comportement belliqueux, les 600 complots que les États-Unis d'Amérique ont organisés pour assassiner Monsieur le président Fidel Castro, et qu'il soit dit que nous sommes heureux de voir qu'enfin l'Union européenne, moyennant quelques bavardages sur les libertés, tourne la page et passe enfin une coopération concrète, efficace et amitieuse avec le peuple cubain. Que venimos a defender la revolución cubana, que venimos a defender la revolución cubana, porque es hermosa mela de la lucha americana, porque es hermosa mela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Las escuelas se convierten en cuartelas, con el yanqui las escuelas se convierten en cuartelas, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes, pero en Cuba se acabaron esos malos procederes. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, yanquis no. Dicen los americanos que Fidel es comunista, dicen los americanos que que Fidel es comunista, mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos, mano dicen que Batista mató 20,000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, si las cosas de Fidel son cosas de buen marxista, que me ponga en la lista, que estoy de acuerdo con él, que me ponga en la lista, que estoy de acuerdo con él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yanquis no. On l'appelle coke, poudre blanche ou encore neige, la cocaïne est une drogue qu'on associe souvent à la fête. Pourtant, à en croire les spécialistes, la fête peut rapidement tourner au cauchemar. Troubles du comportement, risques cardiaques et pulmonaires, les dangers pour les consommateurs sont nombreux et mal connus. L'année dernière, 11 tonnes de poudre blanche ont été saisies par les douanes françaises. Plus accessible parce que moins cher, la cocaïne est après le cannabis la deuxième drogue illicite la plus consommée. On va répondre à toutes vos questions, mais avant, on va essayer de comprendre le phénomène de dépendance. Vous allez voir, cela, évidemment ça se passe dans le cerveau, cette drogue agit au niveau des synapses de certaines régions cérébrales. C'est quoi une synapse? Eh bien, c'est la zone de rencontre de deux neurones. Vous savez que le signal passe de l'un à l'autre grâce à la transmission d'un messager chimique. Voilà ici, voilà les deux neurones qu'on appelle le neurotransmetteur, c'est ce qui est ici en bleu. Normalement, une fois que le messager a joué son rôle, vous allez le voir, il est recapturé par le deuxième neurone pour être recyclé. En fait, il ne va pas rester au niveau de la synapse, il passe et il remonte. Alors, en cas de consommation de cocaïne, ce que vous allez voir ici en rose, cette drogue bloque la recapture de messagers chimiques comme la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Vous la voyez en rose, la cocaïne. Ces neurotransmetteurs vont donc s'accumuler ici et leur concentration augmente. Résultat, l'effet naturel de ces trois médiateurs sur le neurone qui est après, celui qu'on dit post-synaptique, est amplifié. Et l'excès de la dopamine va produire l'euphorie. Celui de la sérotonine, le sentiment de confiance, et l'excès de noradrénaline va augmenter l'énergie. La dépendance peut s'installer rapidement et il faut de plus en plus de cocaïne pour atteindre le même effet. Aujourd'hui, le parc automobile français compte plus de 31 millions de véhicules en circulation. Deux tiers des véhicules utilisent une motorisation diesel. L'engouement est tel que sur 10 véhicules vendus, 7 sont des diesels. La faible consommation des véhicules diesel, alliée à une fiscalité avantageuse, a favorisé l'essor de ce type de véhicule en France. Dans un sondage mené par l'UFC Que Choisir, presque 84% des personnes interrogées considèrent toujours le diesel comme plus économique. La fiscalité avantageuse sur le diesel pose deux problèmes. Premièrement, elle cache les marges excessives des raffineurs effectuées sur le diesel. Si l'on considère le prix hors taxe des carburants, on constate que le diesel coûte 5% plus cher que l'essence. Cette différence provient pour l'essentiel des marges de raffinage. Or, une plus faible taxation du diesel par rapport à l'essence cache au consommateur un prix plus élevé du diesel. Deuxième problème, la fiscalité avantageuse sur le gasoil fausse la perception des consommateurs sur la rentabilité des véhicules diesel. En effet, selon notre sondage, plus de 70% des personnes utilisant un véhicule diesel ne roulent pas plus de 20 000 km par an, distance minimum nécessaire pour rentabiliser ce type de véhicule. Le consommateur fait souvent son choix sur le prix du carburant. Or, il faut également tenir compte de l'assurance, de l'entretien, des réparations et du prix d'achat du véhicule qui sont généralement plus élevés pour les voitures diesel. Lorsqu'on ajoute à cette problématique économique l'impact environnemental et sanitaire du diesel, comment justifier le maintien de l'avantage fiscal sur ce type de motorisation? L'UFC Que Choisir demande donc au pouvoir public la mise en place d'un indicateur sur le coût kilométrique moyen de chaque véhicule afin que le consommateur puisse mieux estimer avant tout achat le coût global d'une voiture. et de supprimer progressivement le différentiel de taxation entre l'essence et le gasoil afin de ne plus donner un avantage artificiel aux véhicules diesel tout en restant neutre fiscalement pour le consommateur. Tout d'abord, la revue de presse et Amandine Bégaud. Amandine, ça balance pas mal ce matin. Oui, après balance ton porc, après balance ton voleur, je vous présente ce matin balance ton hosto, lancé le 12 janvier dernier. Ce hashtag est en train, explique ce matin le site de Marianne, de devenir une sorte d'exutoire numérique pour tout un secteur d'activité, le symbole du mal-être hospitalier. Déjà plusieurs centaines de publications de soignants qui dénoncent leurs conditions de travail. Et alors, il y a d'abord les problèmes de conception de certains établissements. Un internaute explique ainsi qu'il y a bien une piste pour les hélicoptères dans son hôpital, mais problème, elle est inaccessible. Et oui, les architectes ont oublié d'y mettre un ascenseur. Pas de bol, j'ai envie de dire. Un autre raconte comment après 12 heures d'intervention, un chirurgien a fait un malaise en pleine salle d'opération à cause d'une climatisation qui était en panne. Quand le personnel a demandé l'aide des techniciens, voilà ce qu'on leur a répondu. Quand vous êtes à la plage, il fait la même température et pourtant vous ne faites pas de malaise. On marche sur la tête. Anaïs, étudiante infirmière, elle explique avoir dû faire un week-end complet de garde après 5 jours consécutifs de stage. Une étudiante, 7 jours sans repos. Monnaie courante, répond Thierry Amoureau, qui est du représentant du syndicat national des professionnels d'infirmiers. Pour lui, ce balance ton hosto symbolise parfaitement le sentiment de désillusion que connaît chaque soignant. On ne s'engage pas, conclut-il, pour servir une usine à soins qui plus est défaillante. Alors, ça balance pas mal aussi chez les politiques. Bon, alors ça, j'ai envie de dire, on en a un peu plus l'habitude. Oui. Un an, en tout cas, après le début de ce qu'on a appelé l'affaire Fillon, France 5 diffusera la semaine prochaine un documentaire sur le sujet. Alors, on retrouve quelques extraits savoureux ce matin dans l'Express. L'avocat Robert Bourgis, par exemple, vous vous souvenez, celui qui avait révélé l'histoire des costumes, eh bien, il raconte comment lors d'un déjeuner avec Nicolas Sarkozy, avant même le début de l'affaire Pénélope, il avait promis de faire tomber François Fillon. Ce sont ses mots. Il n'ira pas à l'Élysée, avait-il lancé à l'ancien président. Je vais le bip, j'ai envie de dire. L'ex-directeur de campagne du candidat, qui lui avait démissionné, confie ne pas avoir voté Fillon au premier tour. L'Express, qui consacre ce matin un grand papier à Laurent Wauquiez. Wauquiez rêve de se peindre en vert, c'est le titre, ou comment le nouveau patron des Républicains cherche à construire une écologie de droite. Je veux faire comme Tony Blair à son arrivée à la tête du New Labour avec la sécurité, moderniser le logiciel. Voilà ce qu'il confiait il y a quelques semaines au journal L'Opinion. Alors, véritable tournant idéologique ou simple marketing politique, se demande l'Express. Après avoir lu l'article, on a envie de dire réponse 2. Nombreux sont ceux, en effet, qui s'interrogent sur la sincérité de cette démarche. L'hebdomadaire note d'ailleurs que Wauquiez reste très prudent sur ses prises de position en la matière. Notre-Dame-des-Landes, glyphosate, à chaque fois, il esquive. Wauquiez, c'est les idées du FN avec une veste rouge. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans le magazine Society qui paraîtra vendredi. Une petite phrase signée Christophe Castaner. Quand on lui demande si le Front National est toujours son principal adversaire, le patron de La République En Marche répond « Dans les faits, c'est plutôt Laurent Wauquiez que l'on peut craindre. Les mêmes idées avec une veste rouge, donc. » Et d'ajouter « C'est fini. Le FN incarné par Marine Le Pen ne reviendra pas. » Wauquiez, conclut-il, fait la même analyse. Il ne cherche pas à piller les idées du FN, il veut faire une OPA sur un mouvement affaibli. Fin de citation. Dans Le Parisien ce matin, l'illustration de ces bombes à retardement qu'évoquait hier, ici même sur RTL, François Molins, le procureur de Paris, en parlant des enfants djihadistes. Le Parisien qui raconte l'histoire de cet orphelin de 11 ans, entendu la semaine dernière par la brigade criminelle. Son parcours, explique Le Quotidien, a frappé les spécialistes du terrorisme. Le gamin semblant inaccessible à toute émotion, y compris lorsqu'il s'agissait d'évoquer le décès de ses parents. Ces derniers l'avaient emmené il y a 3 ans dans l'enfer syrien avant de mourir dans un bombardement en Irak. Il a donc été rapatrié à Paris. Le gamin confie que son père était toujours armé lors des repas, racontant notamment que celui-ci lui a déjà montré à plusieurs reprises des vidéos d'égorgement. Son oncle, qui vit en France, a refusé de l'accueillir chez lui par crainte qu'il ne contamine ses propres enfants. Le jeune garçon a finalement été placé dans une famille d'accueil sans enfants, plutôt que dans un foyer où il aurait pu avoir une influence néfaste. Aux dernières nouvelles, écrit Le Parisien, il aurait menacé d'égorger son éducatrice. Le récit fait froid dans le dos. Enfin, tout autre chose, et ça fait un peu de bien d'ailleurs, cette initiative de l'université d'Oxford en Angleterre. Du bien ou pas, puisque la très prestigieuse université a décidé d'accorder 15 minutes de plus aux femmes lors des examens de maths et d'informatique. C'est le London Times qui a révélé cette affaire. L'université explique qu'il s'agit d'atténuer l'écart entre les sexes. Ils ont en effet remarqué que les résultats au cours des dernières années ne sont pas les mêmes. En gros, les hommes ont de meilleures notes. Les femmes, ajoute-t-il, auraient tendance à moins bien réussir aux examens, être plus affecté par la pression causée par le temps, de quoi en faire bondir plus d'un ou plutôt plus d'une. Moi, j'ai envie de dire, balance ta fac. Voir, balance ton prof. Oui, c'était, aussi. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Deux ans après l'élection d'Emmanuel Macron, La France Insoumise a le regard tourné vers l'échéance à venir, les élections européennes. Ce sera un test grandeur nature. L'Europe, dont Jacques Chirac disait tout en la défendant, une fois qu'il a été élu à l'Élysée, ce qui laisse croire que par une sorte d'abracadabra européen, tous nos problèmes seront résolus, se trompe et trompe les Français. Mais en attendant, les Insoumis ont bien l'intention de rester les principaux opposants à la politique du gouvernement, et ce, sur tous les sujets. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui. On va commencer par quelque chose qui vous concerne directement, j'allais dire en tant que député de Marseille aussi, c'est l'Aquarius. Oui. Puisque après des jours de tergiversation et des jours en mer, les 58 personnes qui sont à bord vont être accueillies à Malte, une fois que les conditions en mer s'améliorent. 18 viendront ensuite en France, où ils seront accueillis. L'avenir de l'Aquarius est menacé parce qu'il battait pavillon panaméen. Le Panama va lui supprimer son pavillon. Est-ce que la France doit lui accorder son pavillon pour qu'il poursuive ses missions ? C'est quand même le Panama qui a le honte, cette caverne de brigands et de fraudeurs fiscaux qui ne voit rien à dire contre l'argent, retire le pavillon de l'Aquarius. Il faut donc que l'Aquarius ait un pavillon français. C'est très clair. Il y aura des manifestations dans toutes les grandes villes le 6 octobre pour ça. L'Aquarius sauve l'honneur des Français. Là, il s'agit... Alors, on en fait une histoire. Hein, il s'agit de 58 personnes, dont 18 gamins et 2 femmes enceintes. Moi, je ne veux pas qu'il y ait un endroit dans le monde où on puisse dire « Mes enfants se sont noyés et la France les a regardés sans rien faire ». Alors, vous savez, j'ai appelé une minute de silence, si vous vous en souvenez, pendant la campagne présidentielle, et je sais que 9 personnes par jour meurent en Méditerranée. Je ne l'accepte pas. Devant la détresse, il y a un devoir inconditionnel de rescousse. Après, c'est une autre affaire que celle, d'une manière générale, des réfugiés. Justement, on va en parler parce que la France accueille des réfugiés, mais au compte-gouttes, j'allais dire, avec un accord européen, une répartition entre pays européens. Pas. Parce que regardez bien, on a laissé les gens débarquer en Italie et en Grèce sans s'en préoccuper davantage, en laissant tout sur le dos des Italiens et des Grecs, au début. Jusqu'à ce que ça tourne mal. Oui, au début, ça continue. Et puis nous, en France, quand les gens arrivent à Marseille, les mineurs abandonnés, on demande aux Bouches-du-Rhône de s'en débrouiller. Ce n'est pas normal. Alors, il y a un manifeste pour l'accueil des migrants qui a été lancé par Mediapart, Politis, Regards. Ce sont des publications plutôt à gauche quand même. Et plusieurs personnalités de gauche se disent prêtes à signer. Yann Brossa, Christiane Taubira, Benoît Hamon, Yannick Jadot, Yanis Varoufakis par exemple. Et vous, est-ce que vous allez le signer ce manifeste ? Alors, j'ai des amis qui vont le signer, d'autres ne le signeront Clémentine pas, Moutin, dont moi. Vous ne le signez pas ? Non, je vais vous dire pourquoi. Mais bon, il y a un petit côté mondain à tout ça. Quand on voit Benoît Hamon, qui était absent le jour du vote de la loi immigration de Manuel Valls, qui a commencé ce que M. Macron a terminé. Disons qu'il y a une certaine hypocrisie dans tout ça. Mais maintenant, je vais aller au fond. Un, je ne suis pas d'accord pour faire de l'immigration la question centrale des élections qui arrivent. Ça, c'est servir la soupe à Macron et à Le Pen. Deux, je ne suis pas d'accord pour qu'on renonce à traiter les causes de l'immigration. C'est-à-dire le slogan « vivre et travailler au pays », c'est pas juste pour les bobos en France. C'est une aspiration mondiale. Donc, je suis pour qu'on les traite. Eux, c'est des bobos, là, ceux qui signent ? Non, je ne dis pas ça, je voulais dire que le slogan n'était pas... Ne cherchez pas toujours des histoires drôles au milieu de sujets qui ne le sont pas. Je dis que vivre et travailler au pays est une aspiration humaine partout, et que donc, quand on pousse les gens à partir, je suis pour qu'on combatte j'entends, les raisons. J'entends, mais est-ce que Benoît Hamon, Yannick Jadot, Christiane Taubira, ce sont des gens qui ont aussi une conscience par rapport sûr, au mouvement ? Bien sûr, mais je ne le nie mais pas. Ils se trompent. Ils n'ont pas la même analyse que moi. Je ne suis pas d'accord pour le droit à la libre installation. Est-ce que c'est clair ? Oui, alors justement. Je ne suis pas d'accord, et quand je gouvernerai ce pays, il n'y aura plus de travailleurs détachés en France, parce que c'est de la fraude sociale que ce statut. Et je suis pour qu'il y ait un statut unique pour tous les travailleurs en France, pour qu'on cesse d'exploiter les immigrants sans papier. On va ressortir votre tweet du 25 août dernier. Vous disiez « Honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et qui utilisent ensuite pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux ». Et vous avez été taclé, je vais le dire comme ça, par Yann Brossa, qui est tête de liste désignée du Parti communiste aux européennes. Est-ce qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable sur cette histoire ? Écoutez, sur ce sujet, il y a des points de vue différents. Si toute différence aboutit au fait qu'on est déclaré irréconciliable et qu'on se déchire, ce n'est plus la peine de parler. Nous ne sommes pas d'accord, et je ne suis pas d'accord, pour faire comme si l'immigration était quelque chose de naturel, de désirable, de souhaitable. Non, je ne suis pas d'accord. Et je dis que l'on exploite les travailleurs sans papier pour faire baisser les salaires. Je n'ai jamais dit que c'était de leur faute. Je dis que honte à ceux qui les maltraitent et les sous-payent. Alors, que le Parti communiste ait décidé que dorénavant, ça ne le concerne plus, c'est son affaire. Mais moi, je ne suis pas pour une attitude chiffon rouge qui excite l'extrême droite. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord pour qu'on crée un problème à gauche volontairement, une division entre les gens de bonne foi, uniquement pour le confort politicien d'une élection. Jean-Luc Mélenchon, c'est clair et net, et on va parler de la semaine Donald Trump, Emmanuel Macron, les retrouvailles à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Emmanuel Valls, candidat à Barcelone. Quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut plus signer d'accords commerciaux avec les pays qui n'acceptent pas l'accord sur le climat de Paris, avouez que c'est courageux, il le dit face quand même à Donald Trump. Quel courage, c'est un menteur. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que le même qui tient ce discours a accepté qu'en Europe s'applique un traité de libre-échange avec le Japon. Avec le Japon. Oui, le JAFTA. Oui, le JAFTA. Et il a accepté qu'on ne puisse pas en parler à l'Assemblée nationale. Or, ce traité, comme celui avec le Canada, est indifférent aux questions écologiques. Par conséquent, ce qu'il fait là, c'est une gesticulation qui lui permet d'avancer masqué. En réalité, le titre de champion de la Terre qui lui a été décerné est grotesque. Il est venu en habit de glyphosate maintenu. Il est venu avec 6 EPR dans la poche. Voilà le genre d'écologiste qu'est Emmanuel Macron. Tout ça est une comédie qui discrédite la parole politique. On va parler aussi d'Édouard Philippe, parce qu'il a ouvert la porte, le Premier ministre, jeudi soir, à la dégressivité des allocations chômage pour les revenus les plus élevés, souvent les plus qualifiés, a-t-il dit. Les syndicats mettent une ligne rouge là-dessus. Pourquoi ne pas poser la question, effectivement, d'une dégressivité pour les plus hauts revenus ? Est-ce que c'est tabou pour vous ? On pourrait baisser votre paye aussi, c'est une idée qui se discuterait volontiers sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est tabou pour vous ? Mais c'est absurde. Vous demandez à des gens de cotiser et après vous leur annoncez que leurs droits seront moins élevés. Monsieur Le Tellier, tout ça est absurde. Alors peut-être qu'on pourrait baisser les cotisations aussi. Attendez, eh ben voilà, exactement, ça y est, vous avez compris. C'est pour qu'on puisse baisser les cotisations. Et comme les droits seront moins élevés, c'est pour qu'ils cotisent à des régimes de retraite complémentaires par points. C'est exactement ce qui est en train de se voter en ce moment à l'Assemblée sur la loi sur les entreprises, où on encourage les retraites par capitalisation. Donc, voyez l'habileté du procédé macronien. Ah, c'est habile, vous reconnaissez qu'il est habile. Bah, comme tordu, oui, le joueur de Bonneteau aussi, il est habile. Hein. Mais c'est pas ça qui rend son commerce respectable. Eh bien là, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui commence par faire peur à des gens qui sont raisonnables. Les cadres, c'est des gens raisonnables la plupart du temps. On leur dit, écoutez les gars, vous allez payer autant qu'avant, mais vous aurez moins. Alors ils essayent de s'organiser, et on leur dit, ça tombe bien, on a prévu un petit fonds pour vous de capitalisation où vos impôts seront dégrévés de ce que vous allez mettre en économie pour votre fonds de capitalisation. Donc, ces gens vont se faire rouler, car je leur dis, jeunes gens, l'argent ne voyage pas dans le temps et les fonds que vous mettrez en capitalisation sont promis à une usure plus accélérée que ceux que vous recevez aujourd'hui. Une autre question, je ne sais pas si c'est clair vu que vous me dites de me hâter, mais ce sont des questions. Non, parce qu'il y a une autre question qui arrive derrière, vous allez voir. Ah bon, il y a une autre question. Emmanuel Macron, lui, il a encore dit hier à un Antillais, il demande à un jeune qui lui demandait du travail qu'après tout, il faut accepter au moins au début, peut-être d'accepter un travail qu'on ne souhaitait pas forcément, mais ça nous met le pied à l'étrier. Est-ce que vous donneriez ce conseil, vous aussi ? En aucun cas, c'est stupide. Il faut demander aux jeunes gens qui acquièrent une qualification à l'école, à l'université, au lycée professionnel, ils doivent pouvoir exercer le métier qu'ils ont choisi et pour lequel ils sont formés. Mais monsieur Le Tellier, tout ça ne veut rien dire, en êtes-vous conscient ? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui est un métallo et lui dire « Tiens, il y a un petit boulot qui se présente en boulangerie ?» C'est absurde, vous vous en rendez compte ? Donc vous allez avoir un gars qui est formé électricien et vous allez lui dire « Tiens, comme il l'a fait, c'était un horticulteur, il lui dit « Ben, il n'y a qu'à aller servir dans un café ». C'est deux injures. Je lui ai dit, il a choisi un métier qui n'avait plus rien à voir avec l'horticulture, au bout du compte. Non, mais ça, c'est fait bien, mais en attendant, garçon de café, c'est un métier. Ça nécessite un savoir-faire. Donc, il les méprise aussi. Qu'est-ce que c'est que cette façon de considérer que le travail des uns ne vaut rien et les qualifications des autres non plus ? Non. quand on fait des études, eh bien, le pays a besoin de bons horticulteurs, de personnel bien formé dans l'hôtellerie et la restauration. Et faites pas l'hypocrite, vous. Vous allez au restaurant où vous êtes servi correctement, non? Et où vous mangez bien. C'est ce qu'on espère. Bon, ben, vous préférez que la cuisine ait été préparée par un cuisinier que par un métallo. Un autre élément de la semaine, c'est Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. Ça y est, c'est définitif, c'est officiel. Pour mai 2019, il va quitter l'Assemblée nationale. Clémentine Autain, qui fait partie de votre groupe, a dit sur un tweet, bon débarras. Vous diriez la même chose? Au moins, c'est drôle. Oui, mais est-ce que c'est un peu violent? Bon débarras, quand même. Non, mais ce gars-là est nuisible en toutes circonstances. Il s'en va d'Evry, où il nous a fait une histoire pas possible aux élections que normalement on aurait dû gagner. Et le voilà parti à Barcelone, où il affronte à nouveau une sorte d'insoumise. Ada Colau, la maire de Barcelone, est membre de la coalition européenne, maintenant le peuple. Donc, on l'aura toujours dans les jambes. Donc, on va le battre deux fois. Une fois à Évry, parce qu'on pense qu'il y aura une élection législative, je l'espère, et une deuxième fois à Barcelone. Et voilà, et comment on règle les problèmes en démocratie, c'est par les bulletins de vote. Vous aviez eu une histoire avec Manuel Valls il n'y a pas si longtemps, quand vous avez décidé de quitter la tête de... il avait pris la tête de la mission parlementaire sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le référendum, c'est dans un mois. Vous aviez dit, je ne veux pas siéger avec Manuel Valls. Maintenant qu'il est parti, vous allez réintégrer cette... On va voir. Ce que je lui reprochais, c'est hélas ce qui s'est produit. Le référendum en Nouvelle-Calédonie est un moment extrêmement tendu sur le territoire et nous devons penser à tous nos compatriotes. Il y a des gens qui vont voter non, des gens qui vont voter oui à l'indépendant. De toute façon, il y aura des gens frustrés et blessés. Par conséquent, le rôle de tous les responsables politiques nationaux, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la réponse, on soit là, nous autres tous les Français, pour entourer les néo-calédoniens. Valls, il est arrivé comme... pas en cause le... Non, mais Valls est arrivé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, a commencé à donner des conseils à tout le monde et a agressé tout le monde. Il est allé sur le territoire, il est le seul homme politique qui a pris parti d'une manière aussi agressive territoire. Vous souhaitez que le oui ou le non l'emporte? Le oui à rester en France ou le non on quitte la France en Nouvelle-Calédonie? Si je faisais parler mon cœur, je dirais restons ensemble. Mais il y a des années que je milite aux côtés des indépendantistes et je connais la force et les motivations de leur raisonnement. Je m'en remets à la décision des Calédoniens et en toutes circonstances, indépendants ou français, notre affection leur est acquise, il faut qu'ils le sachent. On va accueillir maintenant Anne Rosenchère, directrice déléguée de la rédaction de L'Express, qui est avec nous ce dimanche. Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. C'est votre deuxième... Et bienvenue de l'équipe de Dimanche. Et merci, je suis ravie d'être parmi vous. Alors c'est votre deuxième rentrée politique en tant qu'opposant à Emmanuel Macron. Par rapport à l'année dernière, vous appelez beaucoup moins à descendre dans la rue. Est-ce que les sources de mécontentement se sont taries ou est-ce que c'est un changement de stratégie politique? Je suis bien obligé de m'adapter à ce que l'expérience me suggère. En particulier l'année dernière, quand il y a eu cet énorme bouleversement du Code du travail... nous avons été pendant tout un temps tout seuls à appeler à des rassemblements. Ensuite, les syndicats sont mis en mouvement et au cours de l'année, nous avons acquis quelque chose de très important. C'est-à-dire que, un, la division syndicale s'est réduite, puisque maintenant, Force ouvrière et la CGT sont au coude à coude avec les syndicats solidaires et la FSU, premièrement. Et deuxièmement, ils ne sont plus fermés à l'idée d'action commune avec les mouvements politiques, en particulier pour ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire des démonstrations de force pendant le samedi ou le dimanche, c'est-à-dire pas juste en semaine, et là où il y a des mots d'ordre de grève. Donc je pense que je dois être prudent et habile, et ne pas brusquer les choses de manière à ce que les forces puissent se coaguler, sans donner l'impression ni de vouloir dominer, ni d'être à la traîne. Alors, on avait beaucoup réagi suite à votre rencontre plus ou moins impromptue avec Emmanuel Macron sur le Vieux-Port le 7 septembre dernier. Vous aviez déclaré le matin que Emmanuel Macron était le plus grand xénophobe qu'on ait, et le soir, vous avez paru plus cordial et voire même expression. Est-ce que vous regrettez l'attaque du matin ou la cordialité du soir, en fait ? Ni l'une ni l'autre, chère madame. Je regrette surtout la stupidité de votre profession, parce que, oui, évidemment, permettez-moi de me le dire. On est tous dehors. Vous nous aviez donné ces images à voir. Vous en prie tous les deux, après l'autre, lequel commence à défendre la sainte corporation. Non. Personne, très bien. C'est pas du corporatisme. Donc on va pouvoir écouter ma réponse. C'est vous qui aviez mis en scène. Est-ce que ma réponse vous intéresse ? D'abord, le matin, je n'ai pas dit ce que vous me faites dire. J'ai dit que puisqu'il m'accusait d'être, moi, un xénophobe, ce que je ne suis pas, il y avait pire xénophobe, lui, puisqu'il empêche l'Aquarius d'arriver à terre et de soulager les pauvres gens qui sont en mer. Et votre collègue, qui était là, qui évidemment, il est minuit et demi, je vous rappelle, il est minuit et demi, vous avez le président de la République et son premier opposant, et évidemment, votre profession est là, attendant que coule du sang, qu'il y ait des éclats de voix. Et moi, je considère qu'à minuit et demi, je m'engueule pas avec le président de la République dans un bistrot sur le Vieux-Port. Je fais pas ça. Donc, surtout, pardon, devant Madame Merkel, qui est dans l'hôtel, dans la rue derrière. Donc, vous ne regrettez rien. Pardon ? Vous ne craignez pas que ça vous colle à la semelle, cette séquence ? Bah, elle est drôle, non ? Puis elle est bien, elle montre que je ne suis pas la bête agressive que vous décrivez. Pardon, je voudrais quand même dire quelque chose pour votre honte, pour que vous compreniez à quel point vous pouvez avoir des comportements qui, à force de chercher le buzz, vous font rater l'essentiel. Qu'est-ce que je dis au début ? Je me tourne vers lui et je lui dis « Alors, elle vous l'a lâché ? Personne ne demande quoi ?» Il me répond « Non, elle lâche rien et moi non plus. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? » Vous allez nous le dire. Dites. C'est pas ça que votre collègue aurait dû me demander ? Ah, ben bah ça, c'est autre chose. Ah, oui. Alors, on est ce dimanche. Alors, je vais vous répondre. Non, parce qu'on va passer à autre chose. Non, on va pas passer à autre chose parce que je veux que vous entendiez la réponse. Je lui ai dit le matin, parce qu'en réalité, on s'est vu, pas le matin, le début d'après-midi, nous avait invités. Et chacun donnait son point de vue des élus des Bouches-du-Rhône. Et je lui dis, écoutez, moi, je vais pas vous parler des Bouches-du-Rhône. J'en ai quand même parlé. Je lui ai dit, écoutez, Madame Merkel a décidé que le président de la Commission serait un membre de la CSU, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus à droite en Allemagne. Alors vous, président de la République, vous devez lui dire non. On ne peut pas avoir un président de la Commission qui soit en plus un Allemand. Mais c'est un événement diplomatique que le chef de l'État français confirme devant des journalistes qui s'occupent d'autre chose qu'il est opposé à la présidence d'un Allemand à la Commission européenne. Et c'est clair. Je vois que ça vous passionne. Si, ça nous passionne, mais vous parlez des Bouches-du-Rhône. On va partir à Marseille, embarquement immédiat pour Marseille, où vous êtes député depuis juin. La France est contre le fait qu'il y ait un commissaire, un président de la Commission allemand. Plutôt du bien. Anne. Oui, alors les municipales à Marseille, vous y pensez ? Vous prendrez votre décision quand ? Ben, si j'y pensais pas avec vous, il n'y aura pas moyen d'y échapper, parce qu'on ne parle que de ça. Non, mais je veux quand même vous mettre en garde, à des moments, quoi, ayez un peu de pudeur. Là, le quartier où on est, il y a une gosse de 6 ans qui est tombée du 12e étage, parce qu'il n'y a pas les balustrades de bon niveau. Le jour où j'y suis allé, c'était pas parce que c'est les municipales, je sais même pas qui vote là-dedans, mais c'est parce qu'une maman s'est fait renverser par une voiture dans la rue qui est en bas, et que c'est le énième accident. Alors la pauvre femme, elle s'est fait broyer du côté du corps. Non mais attendez. Mais si j'entends bien Jean-Luc Mélenchon. Un homme politique, ça a aussi ce rôle de réconfort, de dire aux gens, écoutez, on est ensemble, on souffre avec vous. Un peu comme Emmanuel Macron aux Antilles. Vous allez voir cette photo d'Emmanuel Macron aux Antilles. Comment un peu comme Emmanuel Macron? Quand Emmanuel Macron va aux Antilles. Pas de transition. Regardez. Préparez vos fiches. Non, il réconforte cette dame qui a tout perdu à Saint-Martin. Est-ce que c'est le même registre? Je sais pas. Moi, j'étais pas. Je ne vais pas me faire piéger par vos photos et vos questions à la noix. Je sais qu'il est important pour tout être humain de manifester aux autres de la compassion, de l'affection quand c'est nécessaire. Dans un quartier comme celui-là, vous ne vous rendez pas compte, l'hôtelier. Si c'était vos gosses, vous seriez avec un bâton là-bas. Vous avez une école, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de feu, et il n'y a même pas un ralentisseur. On va parler des Européennes. Vous comprenez que les gens... Les politiques, ce n'est pas que des tomatures, c'est aussi pour faire une autre politique. Donc vous nous avez pas répondu sur Marseille. Mais quoi, les Européennes. Il n'y a pas d'élection en ce moment. Ouais. Pardon, je suis obligé de vous dire, il n'y a pas d'élection à Marseille. D'accord. Vous avez cru qu'il y en avait ? Non, mais les Européennes. Mais je comprends. Les Européennes. Non, mais c'est quand les élections à Marseille ? 2020. C'est quand ? Et 2019, avant ? Si vous avez de la chance. Mais parce qu'il y a aussi un bruit que ce sera en 2021. Qu'est-ce qui dit ça ? Eh bien, vous avez qu'à vous renseigner, faites les couloirs. Vous verrez bien que le pouvoir n'a pas envie d'étaler sa souffrance sur 3-4 élections l'une derrière l'autre. Il aimerait bien les regrouper. Et donc il regroupera. Ah, donc deux ans avant, vous figurez, je vais vous dire ce que je vais faire. 2019, là c'est bientôt, hein, les Européennes. Est-ce que vous pensez, comme le dit Emmanuel Macron, que ça va être l'affrontement des progressistes contre les nationalistes ? Mais ça, c'est lui qui a inventé ça. Non, lui n'est pas progressiste. Par exemple, lui, il se met dans les progressistes. En quoi il est progressiste quand il tape la main avec le type d'extrême droite autrichien pour faire un accord en Égypte ? En quoi il est progressiste quand il accepte le statut de travailleur détaché qui est une fraude fiscale permanente ? Il n'est pas progressiste. Quant aux nationalistes, je ne sais pas qui ils ont mis dans cette case. D'habitude, ils mettent toutes sortes de gens dans toutes les cases. Non, l'élection européenne, c'est, à mes yeux, un référendum anti-Macron. Si les gens n'en peuvent plus de lui, avec leur bulletin de vote... Jean-Luc Mélenchon, oui, mais avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Alors, non, par exemple, on parle d'Emmanuel Morel. Non, j'ai pas fini. Bah oui, mais il faut qu'on avance. D'accord, je finis là d'abord et vous parlez leur après. Voilà. Donc, je vous dis les choses comme elles sont. L'élection sera un référendum anti-Macron. Si les gens décident de voter beaucoup pour nous, les insoumis, ou s'ils décident de voter peu pour lui, peut-être qu'on le poussera vers la porte de sortie. Parce que voter contre Macron aux élections européennes, c'est voter contre l'Europe qui défait la France. On laisse la parole à Anne. Oui, mais il faut que les gens entendent tout un raisonnement. J'entends bien, mais on aura le temps d'en parler. Allez-y. On parle d'un ralliement possible du socialiste Emmanuel Morel pour justement la campagne européenne. Est-ce que c'est toujours envisageable et quand est-ce que ça se ferait ? Écoutez, moi je parle à tout le monde. Mm-hmm. Bon, je n'ai pas fait mon deuil de me dire que ceux qui votaient socialiste sont plus bons à rien et qu'il n'y a qu'à les laisser dans un coin en train de dépérir tout doucement. Non, je leur parle et je vois qu'il y a des gens qui disent la même chose que moi à propos de l'Union européenne et pour l'essentiel sur le programme en France. Au PS et ailleurs, hein, il y en a partout des comme ça. Donc ce que je leur dis, convergeons si nous sommes d'accord. Pas collons-nous les uns aux autres, même si on n'est pas d'accord, pour faire joli sur la photo. Mmh. Pas de tambouille. Et Emmanuel Morel, il va vous rejoindre ? Écoutez, demandez-le-lui à lui. Mais moi, je ne manipule pas dans les organisations des autres. C'est bien parti. Ben, j'espère. Si ça se faisait, je serais content. Et qui pour je ne vais pas. Écoutez, je ne vais pas dire, je parle à tout le monde, sauf, j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un dire, on parle à tout le monde, sauf aux socialistes. Ben, les socialistes, j'ai quelques contentieux avec eux. Mais les milliers d'électeurs socialistes, je leur dis, venez, venez nous aider. Une dernière question sur les européennes, oui, qui pour piloter ? On parle de Manuel Bompard, est-ce que ce sera... Vous verrez, on est en train de travailler, on a trois cordons. Hein. Le premier, c'est les insoumis, alors il y en a tous les partis et toutes les variétés, et dès qu'on n'a pas de parti. Le deuxième cordon, c'est est-ce qu'il y a des forces politiques, des gens qui viennent d'organisations politiques qui veulent être... Et puis il y a le troisième qui est important, c'est ceux qui sont dans les associations, etc. Donc on a fini la première partie, classer les insoumis, hein, nous qu'on a mangé notre pain noir, parce que pour faire des listes, il y a toujours des histoires. Et puis maintenant, on est en train de travailler sur les deux autres. Ce serait quoi la proportion, par exemple ? Bompard est une des figures centrales du mouvement. Il est aujourd'hui le directeur des campagnes. Il y a d'autres garçons et filles de sa génération, trentenaires. Vous savez que j'ai trois personnes qui ont moins de 30 ans dans mon groupe. Et la proportion d'ouverture à la société civile, ce sera combien à peu près ? Mais nous n'avons pas besoin de nous ouvrir à la société civile, c'est nous. Je veux dire que dans ce que nous avons investi, vous avez aide-soignante, un camionneur, un ouvrier d'abattoir qui ne veut plus abattre les bêtes, vous avez des profs, vous avez donc des pas juges. Besoin d'ouvrir. Donc tout le monde est là. D'accord. J'ai pas besoin, moi, d'aller chercher je ne sais quoi ailleurs parce qu'on vivrait entre nous dans le petit monde. Merci Anne d'être venue sur le plateau de Dimanche Politique. Merci Anne. Merci madame. À très bientôt. Vous voyez, c'est pas si dur que ça. Mais non, vous avez dit que j'étais méchant. Vous êtes dur. Quelque chose qui fait le buzz aussi. Encore heureux, parce que si je ne l'étais pas avec vous, quelque chose qui fait le buzz, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi beaucoup, c'est cette histoire que vous auriez dit à l'Assemblée nationale que le cancer du poumon à Cuba, il y avait un vaccin contre le cancer du poumon. Apparemment, vous êtes emballé. Est-ce que vous regrettez ça? Non. Pourquoi ? Pourquoi devrais-je regretter de dire qu'à Cuba... Parce qu'il n'y en a pas de vaccin. Ah ben alors s'il n'y en a pas, c'est bien dommage. Il y a des avancées. J'espère qu'il y en ait. Ah oui, il y a des avancées, mais ce n'est pas le vaccin. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire, puisque vous me parlez de Cuba. C'est que la population à Cuba est plus alphabétisée qu'en France et mieux soignée qu'en France. Mais sur le vaccin... Et sur le traitement du cancer, les Cubains ont de nombreux procédés extrêmement avancés et qu'ils ne veulent pas vendre aux multinationales de la chimie. Ils voudraient le vendre au système de sécurité sociale. On a dû leur dire, écoutez, on ne peut pas acheter... Mais sur l'histoire du vaccin... Maintenant, s'il n'y a pas de vaccin et que j'ai parlé trop vite, je retire ma phrase. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des méthodes très avancées qui permettent de soigner le cancer du poumon ou pas ? Oui, ou bien parce que c'est Cuba, ça ne peut pas exister ? Non, c'est reconnu par tout le monde, ça c'est clair. Ah bon ? En ce moment, à l'Assemblée nationale... Par vous aussi, alors ? C'est bien. Par la communauté internationale. Parfait, En ce moment, à l'Assemblée nationale... Vous savez ce qu'a dit la femme de l'Organisation mondiale de la santé ? Non. Qu'elle souhaitait au monde entier un système de santé aussi avancé que celui de Cuba. C'est pour dire, de temps à autre, il faut dire du bien des gens. En ce moment, à l'Assemblée nationale, se discute la loi PACTE destinée à aider les entreprises à créer des emplois. Roland Lescure, député La République En Marche et rapporteur général de la loi, vous interroge sur un point précis. Bonjour Monsieur Mélenchon. Comme au beau vieux temps, vous défendez un modèle de centralisation et de planification. Eh bien croyez-moi, si vos recettes avaient fait leurs preuves, ça se saurait. Et c'est quelqu'un qui a grandi dans une culture communiste qui vous le dit. Alors votre vision de l'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est la lutte des classes, c'est le conflit. Nous préférons une entreprise qui se développe, qui protège ses salariés et qui partage ses revenus avec eux. On préfère un État qui innove, qui régule, qui protège, à un État qui centralise tout, qui planifie tout, qui verrouille tout. Alors ma question, elle est simple. Dans la loi PACTE, nous généralisons la participation à toutes les entreprises, y compris les petites, de manière à ce que les Françaises et les Français aient plus d'argent. Monsieur Mélenchon, qu'attendez-vous pour nous rejoindre ? Je vous laisse répondre. Bon, alors il a fait dans la légèreté, vous l'observez comme moi, donc je propose, je sais pas quoi, le goulag peut-être, comme l'a dit un de ses collègues. Monsieur Lescure est un homme charmant sur le plan personnel, mais sur le plan politique, c'est une caricature de Macronie. Cet homme était le chef des investissements du deuxième fonds de pension du Canada. Il a gagné en 2017 3,7 millions avec pire de l'activité réelle, c'est toujours les fonds de pension. Et il vient nous défendre quoi ? La participation. Monsieur, vous êtes pour ou contre sur le principe ? Mais écoutez, c'est pas pour ou contre le principe, c'est contre ce qu'il propose. Alors, ils vont proposer de développer la participation. Les gens n'ont aucune garantie sur le niveau de leurs revenus au moment où ils vendent leurs actions, quand il y a des actions. Et deuxièmement, la part qui était donnée à la sécurité sociale ne sera plus donnée. Ça va coûter 400 millions à la sécurité sociale. Et donc, ce gars vient vous dire tranquillement, nous préférons donner des titres de participation que de la paye. Donner de la paye. Monsieur, vous n'avez pas besoin de 3,7 millions comme revenu. Il faut partager. Et on ne doit pas accepter des écarts plus grands dans une entreprise que de 1 à 20. Donc voilà la réponse. C'est une arnaque. À Roland Lescure. Merci, oui. Jean-Luc Mélenchon. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme un espoir mis en chantier, ils se levèrent pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une étoile au firmament, ils faisaient vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux sangs de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meubles. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter les morts. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme un espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une étoile au firmament, ils s'éteignaient pour la commune. Écoute bien chanter Clément. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour du monde des mafias, italiennes, américaines, chinoises, albanaises, japonaises, pour vous faire apparaître qu'il existe un lien direct entre les évolutions que nous connaissons à travers le monde et les capacités d'adaptation de ces organisations criminelles. Sur cette carte du monde, d'abord, nous localisons la dizaine d'organisations criminelles qui peuvent être qualifiées de mafias. 4 d'entre elles sont italiennes, la Cosa Nostra en Sicile, la Ndrangheta en Calabre, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles et la Camorra en Campanie. On trouve ensuite la mafia américaine, qui est une émanation de la Cosa Nostra sicilienne, mais qui est aujourd'hui autonome. En Asie, on trouve les Yakuza au Japon et les Triades dans le sud-est de la Chine. Et puis enfin, dans le sud de l'Europe, les mafias turques et albanaises. Alors, qu'est-ce qui, au juste, permet de qualifier une organisation criminelle de mafia? Il y a au moins 3 caractéristiques. La première, c'est l'ancrage territorial. Palerme, en Sicile, pour la Cosa Nostra, New York et Chicago, pour la mafia américaine, Osaka et Tokyo, pour les yakuza japonais. Ensuite, les mafias se distinguent des autres organisations criminelles par leur ancienneté. La plupart d'entre elles sont nées il y a plus de 200 ans. Également par leur pratique du secret, et puis aussi par leur forte hiérarchie. Si on prend l'exemple de la mafia sicilienne, elle s'organise selon une pyramide stricte, avec à la base des familles d'une trentaine de membres qui gouvernent chacune une commune ou un quartier, dans le cas de Palerme, au-dessus des familles des cantons, qui regroupent entre 3 et 6 familles, dirigé par un chef de canton, et l'ensemble de ces cantons est dirigé traditionnellement par le chef de famille qui commande Palerme. Et puis enfin, dernière caractéristique, il y a une grande variété dans les activités criminelles. Du racket à l'usure, en passant par la contrebande, le jeu, les marchés publics truqués, le trafic de drogue, de cigarettes, d'êtres humains et bien sûr la prostitution. Alors comment les mafias ont-elles réussi à se développer? Eh bien la plupart du temps c'est du fait d'une rupture, d'un vide de pouvoir. Deux exemples. La Cosa Nostra naît dans la région de Palerme au début du 19e siècle, à un moment où le système agricole basé sur de grands domaines est remis en cause. Les grands propriétaires terriens recrutent alors des gardes privés pour s'opposer aux révoltes paysannes. Et peu à peu, ces gardes s'enrichissent, deviennent autonomes et prennent le nom de Cosa Nostra. Et si cette Cosa Nostra se développe dans l'après-guerre, c'est parce que, après le débarquement allié en Sicile en 1943, les Américains installent au poste de maire ou de préfet des hommes ayant des liens avec les clans mafieux, ceci pour assurer le maintien de l'ordre. Et cette proximité entre mafia et politique sera en fait renforcée par la crainte de l'expansion communiste. Par exemple, Cosa Nostra appelle à voter démocratie chrétienne. Idem pour les Yakuza. Cette organisation remonterait au XVIIe siècle, à l'époque Shogun Tokugawa, lorsque les samouraïs ont été démobilisés. Une grande partie de ces guerriers, qui représentaient presque 10% de la population, seraient devenus des vigiles, protecteurs des habitants des villes, ou se sont transformés en bandits, donnant ainsi naissance aux Yakuza. Eh bien, dans le Japon de l'après-guerre, le gouvernement militaire américain du général MacArthur va s'appuyer, là aussi, sur les Yakuza, qui servent alors tout à la fois de briseurs de grève, de milices anticommunistes et de services d'ordre du Parti libéral démocratique japonais. Une fois implantées, les mafias s'étendent grâce à des réseaux. C'est là le deuxième mode de développement des mafias. Par exemple, dans le cas de la mafia sicilienne, le réseau s'est appuyé sur des émigrants italiens. D'abord en Italie elle-même, dans les années 50-60, lorsque de nombreux Siciliens partent travailler en Lombardie, au Piémont, en Toscane. Puis en Europe, lorsque les Siciliens s'installent en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Et sans oublier, bien entendu, les 4 millions d'Italiens qui émigrent au XIXe siècle vers les États-Unis, venant à 80% du sud de l'Italie. Eh bien, cette présence va donner naissance à la mafia américaine. On voit qu'elle est concentrée dans le nord-est des États-Unis, entre Chicago et New York, ce qui correspond au foyer où s'installèrent les immigrants italiens. Maintenant, regardons l'Asie. Les triades, c'est-à-dire les mafias chinoises, sont au XIXe siècle plutôt concentrées à Hong Kong et dans la province du Fujian, et elles vont suivre là aussi les migrations des Chinois. Avec l'arrivée du Parti communiste chinois au pouvoir, les triades se replient sur Taïwan, Hong Kong, Macao, Singapour, Thaïlande, puis SM, là où vivent des communautés chinoises. En Asie du Sud-Est, en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest. Or, ces triades parviennent à se réimplanter en Chine, en particulier dans le Guangdong et à Shanghai, grâce à l'ouverture économique du pays et grâce au retour sous souveraineté chinoise de Hong Kong et de Macao à la fin des années 1990. Car évidemment, en plus des techniques d'organisation et les réseaux, il y a un lien direct entre le développement des mafias et les événements internationaux. Prenons par exemple le cas de la mafia albanaise. La mafia albanaise serait apparue à l'époque ottomane, issue de bandes armées, notamment au service de l'État turc, et qui aurait basculé dans l'illégalité à l'époque yougoslave, dans les années 1920, pour échapper à la précarité. Eh bien, le premier facteur de développement de cette mafia, c'est tout simplement la position géographique de l'Albanie, située entre Italie et Turquie, où prospèrent de puissantes mafias. Et d'ailleurs, en fait, plus que de mafia albanaise, il faudrait plutôt parler de mafia albanophone, puisque son territoire s'étend au Kosovo, au Monténégro et en Macédoine. Cet espace albanophone est au cœur d'un réseau ancien de routes qui, depuis le XIXe siècle, sert au commerce de l'opium, puis de l'héroïne venant d'Asie et de Turquie, pour être ensuite exportée vers l'Europe. Mais c'est sous l'effet de deux facteurs politiques récents que la mafia albanaise va pouvoir se développer. D'abord la répression communiste, qui dans les années 80 pousse de nombreux Albanais à émigrer vers la Suisse, la Suède, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, et la mafia va pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis ensuite, la fin du communisme entraîne un vide de pouvoir. Et les guerres lors de l'éclatement de la Yougoslavie entraînent le chaos. Au Kosovo, la mafia albanaise s'implante après le départ des Serbes et, si l'on peut dire, sur les talons des troupes de l'OTAN en 1999. Alors cette mafia, qui est d'une très grande violence, a pour activité principale le trafic de drogue, de cigarettes et d'êtres humains. Un tiers du marché européen des stupéfiants passe aujourd'hui entre ses mains pour une valeur estimée à 2 milliards d'euros par an, soit 15% du produit intérieur brut albanais. Alors en résumé, le vide du pouvoir, les réseaux, les facteurs politiques, plus une grande capacité à s'adapter. Il n'existe historiquement aucun exemple de mafia ayant été détruite. La survie d'une mafia sur un territoire s'explique par son infini talent pour corrompre. Elle infiltre le monde politique, les milieux économiques, le BTP, l'immobilier, traitement des déchets, les spectacles, le tourisme, l'hôtellerie, le jeu et les casinos. Elles peuvent ainsi réinjecter leur argent dans les circuits légaux et se renforcer par les intégrations économiques régionales. Par exemple l'ALENA, en Amérique du Nord, ou naturellement l'Union européenne. D'ailleurs, si la mafia sicilienne se concentre aujourd'hui sur la Sicile, c'est pour qu'elle puisse profiter des subventions européennes qu'elle détourne par le trucage des marchés publics. Les mafias réinvestissent leurs profits venant du crime vers des entreprises légales et utilisent le capitalisme moderne en gangrénant une partie de l'économie mondiale. Voilà ce petit tour des mafias pour vous montrer en quoi cette criminalité est un phénomène qui suit les évolutions économiques et les événements géopolitiques internationaux. Si les mafias brassent beaucoup d'argent, elles produisent aussi beaucoup de précarité. Elles ne créent pas d'emplois, elles ne redistribuent pas. La mafia paupérise les économies locales et seuls les parrains s'enrichissent. Une dernière précision, il n'y a pas convergence entre objectifs mafieux et objectifs terroristes. Le terrorisme a besoin de visibilité, tandis que les mafias cherchent à demeurer invisibles au contraire. L'univers terroriste est guidé par des objectifs politiques, alors que l'univers de la mafia est seulement motivé par l'argent. Vous pouvez utilement lire le livre de Jean-François Guéraud, Le monde des mafias, géopolitique du crime organisé. C'est édité chez Odile Jacob. Nous avons pu construire ces cartes et ce texte en partie grâce à ce livre qui est extrêmement intéressant et complet. Vous pouvez aussi lire le livre noir de l'économie mondiale de Moïse Naïm, édité chez Grasset, et qui est consacré à la contrebande, aux trafiquants et aux faussaires, donc chez Grasset. Madame la ministre, 7h56, restez avec nous. Clem et Jean-Matt de l'agence de com politique Win-Win ont une proposition à vous faire. Oui, on vient t'offrir nos services parce que là, on est clairement sur un déficit de notoriété, hein, Jeanine. Non, Jacqueline. Jacqueline. Oui, Jacqueline. Sans notoriété, tu peux pas faire croire aux Français que t'es dans l'action. Voilà, on a regardé Paris Match, il y a rien du tout. Alors que c'est quand même pas compliqué. Ben oui. Et Stéphane Bern, il fait la couve toutes les deux semaines avec son loto à gratter. S'il faut te mettre des bigoudis, on le fera. Voilà, il faut qu'en sortant de ce studio, la France entière sache qui est Martine Drouot. Non, Jacqueline je sais plus. Voilà, là on part de zéro là. T'as aucune mise en examen, t'as pas d'affaires judiciaires. Comment on fait nous avec ça? T'aurais pu te gourer dans ta déclaration de patrimoine comme Belloubet. Ou agrandir les locaux de ta boîte sans demander de permis comme Nissen. Même Laura Flessel qui était quand même connue à la base, elle s'est donné du mal pour avoir des problèmes avec les impôts. En plus t'es vraiment pas aidée là ce matin, c'est même pas Léa Salamé, c'est Alexandra Ben Saïd. Oh là là là là, même si tu démissionnes en direct, pas de moment de grâce. On a épluché ta bio, y a rien. Si, alors bon, elle était à l'UDF. Hein, le quoi ? L'UDF, l'ancien Modem. Bah, l'ancien quoi ? Bah, le Modem, c'est quand même la seule personne en France qui a décroché un job grâce à François Bayrou. Ah oui, ça suffira pas, hein, on est foutus, Séverine. Jacqueline, Jacqueline. On sait même pas, t'es ministre de quoi, Ça, c'est vrai, c'est pas clair du tout. Hein. Putain, ministre auprès du ministre. Mais c'est quoi, ça ? Et ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb ? Ouais. Mais ça s'appelle pas ministre, ton job, ça s'appelle auxiliaire de vie dans un EHPAD. Ouais, c'est vrai que Gérard Collomb, bon, c'est quand même le Bouteflika français. Ah putain, ma pauvre Kevin. Jacqueline. Oui, pardon, Jacqueline. Alors là, c'est pas de bol. Non, alors bol. Attends, si. Hein, alors j'ai une idée peut-être. Si on faisait du storytelling avec Gégé. Comment ça ? On lui invente une histoire d'amour avec Collomb. Oh, ça c'est pas bête. Attends, et Gégé, il va retourner à Lyon. On dit que t'es très très très triste. Inconsolable, tu renifles, tu te mouches dans la loi asile immigration. Et si Gégé s'en prend à Macron, c'est parce qu'il t'aime puis que tu le fais souffrir. Putain, j'imagine déjà dans les journaux, derrière les tensions entre le président et le ministre de l'Intérieur, il y avait en fait une femme. Et cette femme, c'est toi, Ventoline. Jacqueline. C'est ta chance que la momie se casse à Lyon, Collomb. Il prenait toute la lumière en faisant le sale boulot. Alors que toi, pendant ce temps-là, tu regardais passer les trains. Les bateaux même, regarde l'Aquarius. C'est vrai, si ça marche pas, on rappellera que t'as voté contre le mariage pour tous et que le retour de la PMA, là, il y a un coup à jouer. Là, tu gagnes à être connu, on est là pour ça. Le but, c'est qu'en sortant de ce studio-là, les gens crient « Marie, démission !» Non, Jacqueline. Merci, Jacqueline. Merci, Charline et Guillaume Meurice. De Nicole Ferroni. Nicole, on me dit ce matin, on me dit que vous êtes perdu. Mais oui, je suis perdue. Écoutez, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé hier pour l'Aquarius. L'Aquarius, vous savez, c'est ce navire de sauvetage en mer qui parcourt la Méditerranée pour secourir les réfugiés qui s'y jettent pour fuir guerre, misère, enfer et autres mots en R. Et hier, ce bateau, revenu des côtes libyennes avec 58 personnes à son bord, après avoir été très inquiété par la Libye, refusé par l'Italie, se retrouve à demander asile en France pour être accueilli à Marseille, mais faute de réponse, et sera finalement débarqué à Malte. Or moi, ayant écouté ce qu'avait dit notre président Macron au mois de juin au sujet, je cite, du cynisme, de l'irresponsabilité du gouvernement italien de fermer ses ports aux ONG, oui, ayant entendu les mots de ce même président qui clamait dans l'enceinte de la capitale phocéenne au bras d'Angela le 7 septembre, mais c'est à Marseille que nous échangerons pour parler d'Europe, pour faire de la Méditerranée une chance et non une crainte. Je me disais, mais si on en croit les mots du président, la France sera là pour l'Aquarius, la fraternité en sera le quai, son sens de l'accueil en sera la bite d'amarrage, et l'accueil de ce bateau devrait donc être une urgence autant qu'une pure formalité. Sauf que voilà que dans la journée d'hier, bizarrement, il s'est passé l'inverse, et aussi rapidement que Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, avait dit de la ligne du gouvernement italien qui ferme mais ses ports qu'elle est à vomir, nos ministres français, eux, se sont mis à régurgiter des noms. Et donc le ministre de l'économie, monsieur Le Maire, a dit non. La France dit non à l'accueil de l'Aquarius. Le secrétaire d'État, monsieur Le Cornu, non. Et le porte-parole du gouvernement, monsieur Grimaud, non. Et moi, je me demandais pourquoi. Et tous de répondre de concert ce même argument. Le droit maritime est clair. Les personnes en mer en danger doivent être accueillies dans le port sûr le plus proche. Et Marseille n'est pas le port sûr le plus proche. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils pensent que Marseille n'est pas un port sûr. Parce que, avertis par les terribles images de Marseille, ils se sont dit, ah non, ça serait pas gentil d'extraire les gens de l'enfer pour les emmener ensuite à Marseille. Marseille, cette ville où les poubelles sont plus surchargées que les prisons, où autant les foyers d'accueil craquent autant que les cités, où les goélands sont aussi voraces que les élus locaux, et où l'avenir est encore moins sûr que les rues. Car certes, les rues de Marseille sont impitoyables. Elles comptent déjà 18 meurtres commis par les caïds de la drogue depuis le début de l'année. Mais combien de balles perdues par la politique marseillaise, cette politique absurde qui s'apprête à toucher 92% de ses enfants. Car oui, la ville de Marseille a en ce moment une très grande idée, à savoir celle de dépenser 1 milliard d'euros pour faire construire et rénover dans le cadre d'un PPP 34 écoles, quand les 410 autres écoles de la ville, souvent vétustes, n'auront rien que dalle wallou, prévoyant dans ce partenariat privé-public, donc ce PPP, ou plutôt PPP, qu'on remplisse aussi bien le gros chargeur du gros promoteur, tout en faisant chez la jeunesse marseillaise 92% de victimes collatérales. Aussi, devant une telle rafale de balles, je me dis, mais je ne peux que comprendre qu'on n'ait pas envie de débarquer des enfants tout juste secourus dans un avenir si incertain, car ça ne fait pas de Marseille un port sûr. Pour autant, je me disais, mais est-ce que le naufrage de la République là-bas ne ferait pas de Marseille un port encore plus proche du sort des naufragés? Un port où les enfants de réfugiés se sentiront solidaires et frères des Marseillais à la dérive, de ces cagoles qui mettent des compensés pour garder la tête hors de l'eau, de ces habitants qui ont vu dans le pastis le moyen le plus agréable de boire la tasse, et aussi finalement diluer 58 naufragés au milieu d'un million font d'autres. Est-ce que ça nous ferait pas un pastis solidaire très peu chargé, où Marseillais de souche et d'ailleurs continueront comme des glaçons à flotter dans l'adversité en se jetant à la gueule des bouées pour se sauver les uns les autres. Donc je crois que M. Macron peut sans souci accorder au bateau de l'Aquarius un pavillon français pour qu'il continue son œuvre, d'autant que M. Godin a dit que lui ne serait pas gêné de l'accueillir, surtout qu'au port de la porte 1 à la porte 4, de la Joliette jusqu'à l'Estac, il reste de la place pour garer l'Aquarius et un passage bien dégagé, car à Marseille comme ailleurs, ce qui nous embouche un coin autant que le vieux port, ce n'est pas la sardine mais le manque d'empathie. Merci beaucoup Nicole Ferroni. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, similaire et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disons bon, je joue, tu chantes, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière là, là, là, là, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Avec leurs trompettes, la joue, joue pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la joue, joue pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder l'autre 20h, le rendez-vous d'actu. Tout de suite, on retrouve Franck de Dieu. Cette fois, il consacre sa chronique à la baisse de l'impôt. C'est l'enfumage éco. Regardez. Un budget pour les classes moyennes, mon œil. 6 milliards d'euros. Ainsi suivi de 9 zéros d'affilée. Le chiffre donne le tournis. Et le gouvernement le répète à l'envi. 6 milliards d'euros, c'est le montant de la baisse d'impôts promis aux Français, et en particulier aux classes moyennes. Alors comme d'habitude en économie, il faut se méfier des gros chiffres et leur donner leur juste mesure. Trois contre-arguments peuvent être invoqués pour relativiser ce chiffre des 6 milliards, ce cadeau fait aux classes moyennes. D'abord le montant proprement dit. Sur les 6 milliards, il convient aussi d'enlever quelques hausses d'impôts, celles du carburant par exemple. Il faut aussi tenir compte que ces cadeaux fiscaux, comme la baisse de CSG sur les retraités modestes, représentent la compensation d'une hausse décidée précédemment. L'OFCE, qui est un cabinet de prévision économiste, calcule que le gain de pouvoir d'achat n'est pas de 6, mais de 3,5 milliards d'euros si on enlève les hausses précédentes. Quand bien même on conserverait ce chiffre de 6 milliards d'euros de baisse, eh bien, il faut quand même le mettre en face, le montant réel des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les taxes qui forment les ressources de l'État et de toutes les administrations. C'est-à-dire mettre en face 6 milliards avec 1000 milliards. Dans ces cas-là, ben, le geste n'est que de 0,6%, autrement dit, une paille. Mais on ne doit pas ici demander une baisse plus massive des impôts. Il y a des baisses égalitaires et des baisses inégalitaires, voire très inégalitaires. Très bien. Qui profitera, par exemple, du dégrèvement sur la taxe d'habitation, qui représente un cadeau de 3,8 milliards d'euros? Réponse, 80% des foyers concernés, c'est-à-dire en gros 23 millions de foyers, soit environ 200 euros chacun en moyenne. Pas mal. Mais quand le gouvernement a supprimé l'ISF, ce cadeau hasard de l'histoire, était à peu près équivalent. 3,2 milliards au bénéfice de qui ? Cette fois, pas des millions de foyers, pas des dizaines de millions de foyers, mais 340 000 simplement. Soit, en gros, 10 000 euros de baisse par contribuable redevable. En 2018, on a eu un budget de classe. En 2019, on a un budget de dupe. Ensuite, la question économique des classes moyennes ne se mesure pas à la seule aune des impôts, des recettes, mais aussi des dépenses publiques. C'est aussi cela, la redistribution au bénéfice du plus grand nombre, par le truchement de l'État. Et là, c'est une véritable tartufferie. Alors sur le papier, les dépenses publiques augmentent de 0,6% en volume, hors inflation, mais comparé au PIB, à la richesse nationale, le ratio baisse pour passer de 54,6 à 54. Derrière les chiffres, il y a aussi des hommes et des femmes. Des ministères vont maigrir. Et non des moindres. Bercy, les comptes publics, environ 2000 personnes en moins. L'éducation nationale, 1800 personnes. La transition écologique et solidaire, moins 800 personnes. J'insiste, écologique et solidaire. Les deux composantes budgétairement sacrifiées, tout est dit. Sans parler des enveloppes budgétaires, qui sont rognées à la cohésion des territoires, moins 6,7%. Ou encore au ministère de l'Emploi, moins 13,6%. Ou encore pour les investissements d'avenir, moins 2,8%. La liste des baisses et des griefs pourrait s'allonger. Mais au fond, quel sens donner à ce budget petit bras censé relever le sort des classes moyennes ? Il révèle, dans sa vérité crue, une sorte d'anémie budgétaire. Le gouvernement n'a plus de souveraineté économique. Pour conjurer le ralentissement conjoncturel qui est actuellement à l'œuvre, il pourrait relancer la machine, et via des dépenses publiques ou des investissements verts. Mais il ne peut pas. Il faut le dire et le marteler. Une politique sociale volontariste ne peut pas prendre racine sur un sol ordolibéral comme c'est celui qui prévaut en Europe. Un budget véritablement de gauche ne peut pas s'élaborer avec des traités libéraux. On peut l'imaginer à l'échelle européenne. Cela s'appelle l'Europe sociale, qui est invoquée tant de fois depuis les années 80. Sa formule, d'ailleurs, tient presque du gag à répétition. Un budget de gauche ne se grave pas dans un marbre libéral. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de L'Autre Journal. On voulait remercier les sociaux qui nous soutiennent financièrement, nous suivent, partagent nos contenus. N'hésitez pas à parler du travail que toute l'équipe, de la post-prod au son, en passant par les réseaux sociaux, réalise ici chaque jour. Abonnez-vous, prolongez votre contribution ou augmentez-la si vous le pouvez, évidemment. C'était en janvier 2018 la dernière visite dans une émission de France 3 Corse d'Antoine Sfer. Malade depuis plusieurs mois, il ne se détourne pas de la question. J'ai 10 ans à cette époque-là. Moi j'ai un cancer, c'est pas grave. Mais non, attendez, à partir du moment où cette maladie vous tombe, ça vous rapproche peut-être de la mort, mais on a osé la vie, osons la mort. Le spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb, décédé cette nuit, avait découvert la Corse en 1983, 7 ans juste après avoir quitté son Liban natal. Des résonances intimes entre ces lieux, des liens amicaux et familiaux profonds le ramèneront régulièrement dans l'île dont il était un observateur attentif. En 2009, nouvelle année de règlement de compte à Ajaccio, il analysait la situation. La société corse a pris l'habitude d'avoir des morts, c'est-à-dire de doter une vie. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que, premièrement, cette île n'est pas en guerre, même si intellectuellement certains pensent l'être, idéologiquement, dogmatiquement. Et en même temps, chaque vie est importante. Présent autant sur le terrain que sur les plateaux de télé, Antoine Sfer porte loin le désir généreux d'échange intellectuel et de transmission. Pour cet inquiet des fermetures du monde, la Méditerranée, malgré ses conflits, recelait une profonde mémoire du vouloir vivre ensemble. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Douce France par Charles Trenet. Maintenant, je vous propose une petite revue de presse, mais assez courte, bien sûr. Assemblée nationale, Caroline Fiat, députée de Meurthe-et-Moselle. Question à Agnès Buzyn. Concernant les hôpitaux d'Épinal et Remiremont. Madame Caroline Fiat alerte Madame la ministre des Solidarités et de la Santé sur le plan de restructuration annoncé pour les établissements hospitaliers d'Épinal et de Remiremont dans les Vosges. Les deux établissements sont la cible d'une politique de baisse des coûts entraînant une dégradation totale des conditions de travail et du pouvoir d'achat des salariés. D'un côté, la suppression d'une centaine de postes sur les deux établissements au cours des trois prochaines années. De l'autre, des pénalités pour le personnel restant. Parking de stationnement de l'hôpital payant. Suppression des RTT du personnel à temps partiel, etc. Alors que le projet du nouvel hôpital d'Épinal doit voir le jour en 2020, la santé hospitalière vosgienne du XXIe siècle semble subir une régression. Le personnel et les habitants du bassin de vie sont inquiets quant au devenir de leur poste de travail et de la possibilité d'exercer dignement leur métier au sein de l'hôpital public. Les Vosges sont un département du Grand Est souffrant de l'immigration d'une partie de sa population la plus jeune et active vers les autres départements de la grande région pour poursuivre leurs études ou trouver un emploi. L'attaque aux établissements hospitalier que représente ce plan est un nouveau coup porté au département et à son attractivité. Qu'entendez-vous faire, Madame la Ministre, pour améliorer l'accueil et le traitement de patients au sein d'une structure hospitalière publique touchée par une baisse continue de personnel ? Qu'entendez-vous faire pour un personnel sous tension dans un secteur touché de plein fouet par les conséquences des burn-out au travail ? Alors je rappelle que Caroline Fiat est députée de Meurthe-et-Moselle. Elle était présente à les manifestations de soutien aux hôpitaux de Épinal et Remiremont, dernièrement à Épinal. Elle est elle-même aide-soignante. Par conséquent, elle sait parfaitement de quoi elle parle lorsqu'elle parle des problèmes liés aux hôpitaux et à la santé. Voilà quelqu'un, une députée insoumise, qui fait son travail admirablement. Je crois qu'on peut féliciter les députés insoumis parce que eux, ils travaillent. Ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Luxembourg, grande région. Bon, est-ce que le Luxembourg fait partie de la grande région ? Bon. Luxembourg, locomotive démographique. Dans une étude publiée cette semaine, l'INSEE montre combien la population du Grand Est stagne à l'horizon 2035, quand le Luxembourg voit son dynamisme démographique exploser et la Sarre voisine plonger. Tiens, je croyais que le modèle allemand était admirable. Épinal, solidarité. Un dimanche matin dédié à la paix. Alors on voit des banderoles sur lesquelles il était inscrit « Traité d'interdiction des armes nucléaires », le TIAN, c'est un traité international. Le mouvement de la paix, comité des Vosges, « Ni guerre, ni armes nucléaires, pour la paix, l'humanité et la vie ». Banque de France, locaux à vendre. Tiens, on vend à la Banque de France. Oh, j'irai pas la suite, ça vaut pas la peine. Hôpitaux, une annonce brutale. Pour le président du conseil départemental, François Vanson, un plan sans concertation est voué à l'échec. Il appelle à la prudence suite à l'annonce des suppressions d'emplois dans les hôpitaux. C'était le 23 septembre 2018. Alors, suivons ça de près. Le Pen refuse un examen psychiatrique. Marine Le Pen s'est insurgée hier contre un examen psychiatrique ordonné par la justice dans le cadre de l'enquête la visant pour avoir diffusé sur Twitter des photos d'exactions de Daesh. 92 suppressions de postes chez Whiskas. C'est un coup dur pour Cap-Avenir-Vosges. Cap-Avenir-Vosges. C'est où ça sur la carte ? Lors d'un comité central d'entreprise, 92 suppressions de postes ont été annoncées au sein de la société Whiskas. Sous le choc, une partie des équipes a débrayé. On les comprend. 157 emplois menacés. Au printemps, il était question de 75 emplois de postes sur les suppressions de postes sur les hôpitaux d'Épinal et Remiremont. Le plan de performance présenté hier double la dose. Ce serait donc 150 postes en moins dans les 4 années à venir. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous souhaite à l'opposition claque la porte à Saint-Nabor. L'heure de la rentrée a sonné pour les élus navoiriaux. Jeudi soir, tout le monde était autour de la table et le moins que l'on puisse dire, c'est que minorité et opposition n'y sont pas restés. Bien longtemps. Manuel Valls est déjà à Barcelone. Alors, il y en a qui ont brandi des pancartes. Bon débarras. Eh bien, ma foi, oui, bon débarras si on veut. Eh bien, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne fin de soirée à l'écoute de RGM ou de la chaîne parlementaire, la LCP, etc. Il y a un certain nombre de chaînes qui font des émissions de très grande qualité. Ce qui me permet de faire aussi de vous en faire profiter. Bon, évidemment, de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des émissions, le dessous des cartes, par exemple. Bien évidemment, l'émission dans laquelle il n'y a que le son, comme à la radio, comme, hein, et, ben, il manque un peu les cartes, mais enfin, on arrive à imaginer un petit peu quand même. Hein. Oui, on arrive à compenser. Voilà, bonsoir à tous et à une prochaine fois, sans doute.